Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Bonjour tout le monde, effectivement, oui, je fais ce que je peux, voilà, oui, c'est clair. Le warm-up vient de se terminer maintenant, il reviendra demain à partir de 6h, bien entendu. Julie, va bien passer un bon week-end? Je vais super bien. Bon, bah écoute, tant mieux. Oui, oh là, alors là, j'ai la méga patate. Bah, tu vois, c'est bizarre. On te demandera pas ce que tu as fait ton week-end. Bah, elle a dormi, je pense, non? Entre ouais, autres. Voilà, c'est déjà exactement ça aide, déjà ça. Ça aide. Mais j'ai vu sur Internet, là, à l'instant, qu'il y avait une enquête britannique qui disait que le jour... Bon, ils n'ont pas fait non plus des études surréalistes, mais le jour le plus détesté des gens était le lundi, ils le confirmaient. Oh, bah Et donc en fait apparemment c'est parce que évidemment c'est parce qu'on se remémore le week-end, que c'est un retour à la semaine, etc. Ouais. Et donc apparemment les gens le lundi se plaignent 33 minutes par jour contre 22 seulement les autres jours. Ah. Mais c'est dingue parce qu'avant je pense qu'ils disaient que c'était le mardi. C'était le jour le plus détesté de la semaine. Maintenant ils ont changé. Là maintenant ils disent courage, demain c'est mardi, puis mercredi, jeudi, vendredi, c'est nouveau le week-end. Moi je me dis plus que 4 petits réveils. Ouais, dis donc, ça fait plaisir. Regardez quand il est motivé, dis donc. Non mais je suis ultra motivé. Ah bah oui, ça fait plaisir. Bon, toi Fela également en pleine forme? En pleine forme. On va appeler qui ce matin? Des pharmaciens. Ah, des pharmaciens, d'accord, oui. Ok, très bien, parfait. Pharmaciens, Storcy, enfin oui, de garde éventuellement. Ah bah si, c'est 24-24 ouais, les pharmaciens. Ouais, non, c'est vrai. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end en tout cas. Donc on est là jusqu'à 9h30 ce matin avec pas mal de choses. On remboursera vos factures encore une fois comme d'habitude. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà vous inscrire si vous le souhaitez. 63-22 par SMS et 1€ par message. Débutez ce message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture, évidemment. Nous aurons bien entendu des écrans plats. Alors ce matin, c'est des écrans plats un peu différents. C'est des écrans plats qu'on vous file, ouais. Des LED derrière, mais sinon non, c'est des écrans plats. Non, c'est des combos en fait, LED et DVD. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre le DVD directement. Pour une chambre, c'est pratique parce qu'on n'a pas souvent de la place. Ah ouais, ok, donc là, tout vous mettez, en... non. Ouais, vous mettez le DVD directement ça, dans tu la télé. Tu en mettras un de côté, s'il te plaît. Non. Donc voilà, vous mettrez directement dans la télé. Mais j'en ai besoin. Bah, mais fais-moi un chèque de 500 euros et je t'en mets d'un côté. Oui, bien sûr. Voilà. Mais alors, attends, je n'ai pas assez avec mon salaire, donc. D'ici 5 à 6 mois, constamment peut-être. Constamment. Alors qu'on sait tous ici que c'est toi la mieux payée. Mais t'es blindasse. Arrête un peu là, quand même. Mais oui. Bon, et puis. Ce matin, on vous filera également, toute la semaine d'ailleurs, hein, les opérations David Guetta. C'est-à-dire que vous allez pouvoir repartir ça, peut-être avec. Je te confirme, peut-être avec son nouvel album, le nouvel album de David Guetta, ou alors un smartphone Xperia de Sony Ericsson, ou encore des places pour aller à la soirée VIP de David Guetta. Ça se passera à Liège, ou encore, et là c'est le jackpot, je vous explique en fait. Là, en fait, en gros, si vous êtes sélectionné pour gagner soit l'album, soit le smartphone, soit les entrées pour la soirée VIP à Liège, eh bien vous serez automatiquement mis dans le panier pour être sélectionné vendredi matin. Il y a un tirage au sort vendredi matin. Ouais, pour pouvoir repartir avec un City Trip Live direction Ibiza pendant 5 jours. Oh, 4 jours, je sais plus, enfin bref, un truc comme ça. Direction plusieurs jours, quoi. Ouais, plusieurs jours avec la boîte, l'hôtel, le transport, tout le bazar. En plus, Ibiza, c'est super. La coke, les prostituées. Ah non, non, certainement pas. Certainement pas. Donc voilà, donc vous allez pouvoir vous inscrire tout à l'heure, donc dès que je vous le dirai au 63-22 en débutant par Star. Et puis bien évidemment, la petite devinette qui colle ce matin pour gagner l'écran plat avec l'écran plat combo LED DVD. Alors attention, écoutez bien la question qui colle que je la retrouve. Voilà. Difficile à trouver, difficile à garder, je cesse à l'instant où je suis découvert. Qui suis-je? Que suis-je? 63-22 si vous avez la bonne réponse. Vous laissez tout simplement la bonne réponse. Et vous repartirez peut-être donc avec l'écran plat combo LED DVD. Pour une chambre, ça peut être cool. Je répète la petite devinette. Donc, difficile à trouver, difficile à garder. Je cesse à l'instant où je suis découvert. Les bonnes réponses au 63-22. Et dans un instant sur Fun Radio, ce sera Deepside DJs. Mais avant ça, sur Fun Radio, 6h27, on passe à l'info maintenant avec Julie. Salut à tous. Ce dimanche, cela faisait tout juste 10 ans que les tours du World Trade Center se sont effondrées à New York. Du Pakistan à l'Italie, en passant par l'Afghanistan ou encore Londres, de nombreux pays ont rendu hommage aux quelques 3000 victimes de ces attentats. Nombre de dirigeants soulignant toutefois que la lutte contre le terrorisme était loin d'être terminée. Chez nous, une célébration pour la paix pour commémorer les attentats du 11 septembre aux États-Unis a rassemblé hier après-midi, en la capitale Saint-Michel-et-Gudule, à Bruxelles, un millier de personnes. La capitale Saint-Michel-et-Gudule. Ouais. La cathédrale, pardon. Ah, cathédrale. J'ai dit capitale. Oui. Et, je dis encore oui. Oh, c'est lundi. Tu sais, elle dit oui, genre, il est tu m'interromps, con. Ah, il est méchant. Mais c'est pour toi, je ne voudrais pas remettre en doute tes talents journalistiques. Non, bien sûr, mais. Une petite bafouille aurait tout. Ne m'écoute plus, surtout. Ça arrive, c'est lundi matin. Bah oui, en fait, on peut. Je t'aime. Voilà. Moi, pas. Voilà. Hier soir, les négociateurs se sont quittés vers 4h du matin après 18 heures de discussion. Ils se retrouveront aujourd'hui vers 13h, toujours pour discuter du fameux dossier BHV et de la loi de financement. Et si les huit présidents de parti et le formateur se sont quittés sans un commentaire, ce week-end, ce sont plutôt ceux qui ne négocient pas qui ont fait parler d'eux. À la note d'Iroupo, nous disons aujourd'hui encore plus clairement qu'hier, non, ce sont les mots de Bart De Wever, président de la NVA. À l'occasion des 10 ans de son parti, les nationalistes flamands ont rassemblé pour leur 10e anniversaire près de 5000 personnes hier dans le domaine de Borgrec. Alors qu'Olivier Minguin, président du FDF, a rappelé tout le mal qu'il pensait de la note du formateur et de ses propositions pour la réforme du pays. Un homme a été abattu par la police à Locristie en Flandre. Il cohabitait avec ses parents et ce sont eux justement qui ont appelé la police hier vers 4h du matin. À leur arrivée sur place, les agents de police ont remarqué que le trentenaire était armé d'un couteau. Ils ont estimé nécessaire de faire usage de leur arme. À la demande du juge d'instruction, le parquet s'est jusqu'à présent refusé à donner des informations sur ce qui est passé. Qui s'est passé? Mais il m'a perturbé. Avant l'arrivée des policiers, un expert en balistique et un médecin légiste ont été désignés pour vérifier l'authenticité des déclarations des témoins et si les agents étaient bien en situation de légitime défense. Et puis enfin en sport, pour la 6e journée du championnat, dimanche, Malines s'est incliné devant Bruges 1-2, Anderlecht a battu Courtrai 2-0 et Zulte Waregem s'est incliné face à la Gantoise 1-3. Si on a trouvé quelqu'un qui te ressemblait. Jacques Chirac qui serait donc atteint d'une infection neurologique qui se serait aggravée. Oui, exactement. Et c'est cette dégradation qui a conduit les avocats à faire cette annonce ce matin. Selon eux, Jacques Chirac est dans l'incapacité d'assister à ces audiences et ils demandent donc à le représenter dès lundi. Hier, ils ont transmis un rapport médical, une expertise qui date de juillet au président de la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Selon ce rapport, Jacques Chirac donc est dans un état de vulnérabilité qui ne le permet pas de répondre aux questions sur son passé. Et ce rapport donc devra déterminer. Ce rapport, pardon. Alors, excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Donc Jacques Chirac, je vous le rappelle, est poursuivi pour abus de biens. Excusez-moi, je. Aïe. Nous vous retrouverons dans quelques. La meuf, elle abandonne, hein. Ah non, mais c'est horrible. C'est sûrement un duplex, donc elle s'est retrouvée là. Et t'as un trou noir et tu sais plus rien faire. C'est le trou total. 6h31, allez, c'est parti la météo maintenant. Alors après une matinée grise avec le risque d'un peu de pluie ou de bruine, le temps devrait normalement redevenir sec cet après-midi. Côté thermomètre, il fait assez doux, jusqu'à 22 degrés. Demain, le ciel restera couvert et jusqu'à 18 degrés. Bon, bah la bonne nouvelle, donc c'est déjà ça de pris. Ah oui, c'est déjà pas mal. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal, effectivement. 6h31 maintenant et on va s'attaquer directement à l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Alors l'info en plus, Julie. Alors l'info en plus, c'est que maintenant le mariage via Skype, c'est possible. Ah bon, je vous explique. Déjà, ouais, c'est à Gand, donc c'est chez nous. Ouais. Et la ville de Gand facilite la retransmission des cérémonies de mariage via Skype. Comme ça, elles pourront être vues de l'étranger. Ah oui, par d'accord. Exemple, tu as de la famille qui habite au Portugal. Ouais. Eh bien, tu te maries à Gand et ils pourront suivre ta cérémonie de mariage par mariage. C'est dur aujourd'hui. Ouais, c'est très mais plus tu vas me perturber, plus ça va être difficile. Je ne dis plus rien. Je pense que je vais déjà aller rentrer chez moi. Ouais, parce voilà. Que ça me non. Donc par exemple, aujourd'hui, un gantois, eh ben, il va s'unir à 15h avec une femme d'origine russe. Et donc sa famille pourra suivre le mariage. Ce qui est quand même vachement pratique, c'est que du coup, tu ne vas pas apporter le cadeau. Tu dois, ah bah pas, subir, pas, mal, ça, tu ouais. Dois pas subir la fête qui est relou. Tu ah vois. Ouais, non. T'arrives, tu te mets devant l'écran pendant une demi-heure, puis t'as fini ta journée. Voilà. Quoi. Et à la fin, t'envoies une petite icarde en disant félicitations. Voilà, tu t'auras coûté peut-être 50 centimes et encore. Si tu gères bien, tu t'en mal d'argent. Ouais, t'auras coûté que dalle. 6h32 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Dans quelques instants, on parlera avec Julie de ce qui s'est passé ce week-end dans le monde. Dans le monde. Ah bah voilà, je crois que c'est. J'ai contaminé tout le monde. Fermé, t'as vu, hein. Dans le monde très fermé des people. Et puis je vous rappelle la petite. On va parler caca. Ouais, ça va faire plaisir à toi. Ah bah oui, va être content, tiens. Je vais mettre les mains dedans. Et ouais, c'est ça, et merci. Et puis dans quelques instants, donc la réponse aussi, ce sera avant 7h du mat. La petite énigme qui colle, difficile à trouver, difficile à garder. Je cesse à l'instant où je suis découvert. La réponse n'est pas une crotte de nez comme ça a été proposé. Ce n'est pas le silence, ce n'est pas un mystère, même si ça fait partie de la famille, on va dire ça comme ça, mais c'est pas ce qu'on cherche. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, écran plat combo à gagner, c'est un écran LED DVD avec DVD incorporé directement, donc ce qui est pratique pour une chambre par exemple. 63-22, si vous avez la bonne réponse. Et côté musique, je vous l'avais promis à 6h33, Deepside DJs, qu'on écoute maintenant, son que vous avez découvert sur Fun Radio. C'était début du mois d'août, Never Be Alone. 6h37 sur Fun Radio et bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 ce matin, on paiera vos factures aussi tout à l'heure et puis on a toujours la petite devinette. Alors déjà c'est une bonne nouvelle, j'ai Arnaud normalement qui devrait venir vers 8h du mat avec le petit déj. Normalement. Voilà donc, une bonne nouvelle. Voilà, donc c'est sur Facebook, mais il m'a demandé l'adresse hier soir, donc je viens de voir le message que maintenant je vais lui répondre, mais bon, j'espère qu'il le verra à temps en tout cas. Merci c'est bien d'avance, pour tes 8 kilos que tu as à perdre, Mickaël. Ouais, bah là il reste plus que 6 avec le vélo que j'ai fait. J'ai mal au fion, ça. Ouais, mais moi je suis désolé, je veux des vidéos, des preuves. Bah, il faut demander à Vince, il a fait des photos. Je sais pas ce qu'en pense Toff, mais on a un peu du mal à y croire. Raconté sur Twitter, ils se la sont, c'est Vince. Oui, nous sommes des héros, nous avons fait la montée. J'ai posté aucun message, c'est lui qui a pas arrêté de se la ramener. Ça y est, ils ont pédalé pour une fois dans leur vie et ça ouais, y est. C'est ça, ils 34 km. Moi, je l'ai déjà fait, arrête, c'est pas le malin. Attends, combien de fois elle fait le boléro de Ravel? Non, le boléro, ouais, c'est ça. Je l'ai fait une fois et j'ai fait plus de 30 km et en fait, c'est pas si difficile. Et elle a décédé pendant 10 jours, je tiens à vous le rappeler. Ah oui, mais il pleuvait donc après, j'étais très malade. Voilà. Bon, on a des télévisions, donc des écrans plat combo, LED, DVD à vous filer si vous avez la bonne réponse ou la petite énigme qui colle. Difficile à trouver, difficile à garder. Je cesse à l'instant où je suis découvert. On proposait le silence, ce n'est pas ce qu'on cherche. Une souris, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Ça commence bien par un S également. Alors en général, c'est souvent un truc qu'on te dit et après tu le répètes en disant mais dis rien, je te fais confiance. Ah, moi je dis rien. Ce qu'on m'a dit de pas le dire, tu comprends. Donc moi je te le dis mais ne dis rien non plus. Ah non, et au final tout le monde fait ça et au final tout le monde est au courant. Voilà, donc si vous avez la bonne réponse, 63-22, je répète, difficile à trouver, difficile à garder, je cesse à l'instant où je suis découvert. Vous avez la bonne réponse, 63-22, et c'est un écran plat LED DVD qu'on vous file ce matin, idéal pour la chambre, hein, comme ça vous pouvez mettre un DVD directement dans la télé et ça fonctionne. Bon, on va parler de quelqu'un qui a, comment dire, quelques petits problèmes d'incontinence. On peut dire ça comme ça. Ouais. Bah, Gérard Depardieu, bah, il menace de faire caca dans un avion. Ouais, parce qu'il a fait pipi. Alors pour vous rappeler effectivement les faits, dans un avion l'emmenant aux États-Unis, l'acteur avait voulu aller aux toilettes dans l'avion, mais bon, c'était en plein décollage, donc l'hôtesse lui avait demandé de rester à sa place et d'attendre la fin du décollage. Mais l'acteur n'a pas pu attendre, et il s'est donc soulagé dans une bouteille. Et d'après lui, elle était trop petite parce qu'il dit qu'il était, que voulez-vous, je suis un éléphant. C'est ce qu'il a déclaré sur CNN quand il a été interviewé. Une interview qui sera diffusée que cette semaine-ci. Bah, c'est normal, une bouteille de vin, je rappelle, c'est 75 centilitres. Hein, donc il faut, c'est ça, donc il faut bien qu'il l'épice. Et dans une bouteille de 50, ça rentre jamais. Bah, ça rentre ah oui, pas. Non, ça c'est sûr. Bah, c'est ça. Et donc voilà, et donc pendant son interview, il a commencé à chanter. Il a dit Poupou, next time I make a poupou. Donc, ce qui veut dire caca, la prochaine fois je ferai caca. Eh bah, écoute. Donc, ça avec le sourire parce qu'on en a quand même pas mal parlé. Je pense qu'il a même fait une pub. Je vais la mettre sur le blog. Enfin, c'est pas une pub, mais ils ont fait une parodie. Ah oui, parce qu'il était habillé en Obélix. En Obélix, ouais. Mais bien sûr, gros, ça fait parler de lui. Ça fait parler de lui. Ah oui, non, voilà, maintenant c'est caca. Donc bon. je plains les gens qui vont l'accompagner. Ouais, ça, c'est clair. Bon, en même temps, il est souvent en business, voire en première, donc c'est rare quand même les gens qui sont devant. Oui, et puis en même temps, heureusement, le journal est gratuit, donc il pourra toujours chier dedans. Voilà. Bon, et puis un message qui est arrivé qui dit bien sûr que je suis en route. On est là dans 100 km avec le petit déj de Liège. Combien est-ce que vous êtes? Bon, on est 3, hein. Évidemment, c'est que Julie, qu'on mange non, pour non, deux. Donc forcément, ça pose un petit problème à ce niveau-là. Mais c'est cool de ta part. Donc voilà, 33 du Télémac à 11 ans de Bruxelles. Je t'ai envoyé le lien sur ton Facebook. 6h40 sur Fun Radio. Et dans un instant, c'est Pitbull. Avec Marc-Anthony, Rain Over Me sur Fun Radio. Et restez là, il y a l'info trafic qui arrive. Mickaël, à la radio. C'est encore mieux qu'un concert d'André Rieu. Fun Radio. Il est 6h44 sur Fun Radio et l'infotrafic. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur les routes, Julie? Accident sur la 12, Bruxelles en direction, bah oui bien sûr, d'Anvers à hauteur de Willebroek. La chaussée est partiellement obstruée et on nous dit que la situation est dangereuse. Et attention, objet encombrant sur le 411 Namur-Bruxelles à hauteur de... Alors attention, Eich-en-Rheufel. Eich-en-Rheufel. Alors, je crois que j'ai un peu du mal à prononcer. Eich-en-Rheufel. A-I-S-C-H-E, je ne sais pas très bien comment... Eich. Ouais, en Rheufel, voilà. Bon, bah, enfin, c'est quelque part par là, quoi. Attention, oui, voilà. Donc, sinon, c'est au kilomètre 38, donc Namur, Bruxelles, 411. Et c'est un pneu qui est sur la bande de gauche. D'accord, très bien. Merci pour l'info. Et je rappelle que si vous êtes témoin d'un problème, que ce soit sur la route, que ce soit un radar, un embouteillage, un accident, n'hésitez pas à venir nous le signaler également pour qu'on puisse transmettre aux auditeurs de Fun. C'est ce qu'on appelle la solidarité. 30-44 par SMS et 50 centimes le message, ou alors gratuitement sur mon mail si vous avez un smartphone. mikael@funradio.be. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Mais oui, à savoir que Pitbull va arriver dans un petit instant. Bon, rien à voir avec le fait d'être relou, hein. Mais c'est juste pour le dire, quoi. Pitbull et Marc-Anthony, Rain Over Me. Et alors, attention, c'est parti, maintenant, la ligne anti-relou. C'est le moment préféré, surtout le lundi, puisque le lundi, bien évidemment, on sort du week-end et que le week-end, en général, est un moment particulier pour les relous, puisqu'ils sortent en masse. Ah oui, voilà, exactement. Un peu comme les chauves-souris la nuit, les relous, c'est le week-end. Voilà. Donc, ils sortent, ils passent à l'attaque, ils passent à l'action. Et quand il passe à l'action, si vous donnez notre numéro, la ligne anti-relou, et eh bien forcément nous avons les messages. J'ai du mal ce matin. Mais tous les deux là, vous avez passé le week-end ensemble, vous avez échangé des fluides. Je fais trop attention physique pour ça. Oh ok, alors là, c'est très méchant. Alors là, ça c'est vraiment. Écoute, pas faire. J'ai senti. Si t'avais été beau gosse, ça m'aurait touché, mais tu ne l'es pas. Oh, pas mal. Non, mais c'est pas grave, ça après. J'ai senti une attaque en disant ah non, certainement pas. Alors je dis ok, d'accord, tu le joues comme ça. Eh bah, très bien. Elle voulait juste dire ça parce qu'elle est très amoureuse de son chéri. Bah voilà, exactement. Oh là là. Bon, bref, donc la ligne anti-relou. Je vais te donner. Tiens, mon numéro, Julie. Donc 0473 86 00. Ça, je vais laisser des messages d'insultes. Tu peux. Ouais, tout, c'est encore Fabrice. Ben voilà, j'attends toujours tes nouvelles, je comprends pas ce qui se passe. Là, je suis au café, je t'attends, toujours rien. Ben tant pis, je continue à boire tout seul. Tu bouges que tu veux plus de moi. Ben voilà. Ben tant pis, c'est Fabrice. Allez, ciao. Je vais continuer à boire tout seul. Tu veux plus de moi, bah voilà. Bon, tu veux plus de moi, donc bah voilà. Bah oui, bah voilà, désolé. Ouais, il reste encore assez gentil, quoi. C'est vrai qu'il est gentil. Bon, il a une bonne voix de relou. Je sais pas si tu as entendu, je remets juste le début. Ouais, tout, c'est encore Fabrice. C'est encore Fabrice, ça veut dire qu'il a peut-être appelé 20 fois déjà, tu vois. C'est possible. Hein, on n'est pas à l'abri. Et là, c'est vraiment le dernier message. Ouais. Mais moi, je trouve que le plus beau, désespéré, c'est le tchou. Ouais, c'est ça. Tchou. Ça, tchou, tchou. Ouais, dernier message. Deuxième message. Oh. Coucou, c'est Manu. Bon, ça fait voir si ça allait. Bon, écoute, j'essaie de me contacter. Ouais. Bah, il s'est passé quoi? Il s'est suicidé à la fin, là, on a entendu le boum. Ah non, dis pas ça, quelle horreur. Bah, je sais pas, on l'entend non, que ça. Non, il a acheté son portable. Ah oui, c'est un possible. Un peu énervé. Bah, alors, il est complètement con. En plus d'être relou, il est bête, hein, donc ça c'est possible aussi. Ouais, il est un peu énervé. Ouais. Quoi. Allez, dernier message laissé sur la ligne anti-relou, écoutez bien. Oui, Julie, c'est Mickaël qui téléphonait parce que tu as mis sur Métic, comme on parle souvent. Je voulais que je mette ma menstruation, donc je l'ai mesurée tantôt, en érection, bien sûr. Elle fait 22 cm sur 60, sur 6 cm de diamètre. Alors, elle est peut-être pas trop grande, peut-être pas trop grosse, mais c'est tout ce que j'ai. J'espère qu'elle te fera plaisir. Mais après, il faut qu'on se voit une fois. J'espère que c'est pas plaisir. J'espère que tu la sentiras bien. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Quelle t'es heure. Comme ça, Julie. Non, alors, ce n'est pas moi parce que voilà. Ah, ouais. Non. Ah. Voilà, moi. Oui, Julie. Oui, Julie, voilà, tout est dit. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, je suis la seule à m'appeler mais Julie oui, sur cette terre. Mais tu es la seule aimée, Julie. Non, mais tu es la seule pour nous. C'est vrai. Ça, j'espère bien. Allez, la ligne anti-relou revient tout à l'heure et je vous rappelle la petite énigme qui colle pour repartir avec un écran plat LED DVD, un combo, quoi. En gros, vous avez le lecteur DVD intégré à l'écran, c'est pratique pour la chambre, par exemple, ou la cuisine. L'énigme qui colle, difficile à trouver, difficile à garder. Je cesse à l'instant où je suis découvert. couvert. Si vous avez la bonne réponse, 63,22 par SMS, 1 euro par message. Et puis, on vous rappelle d'ici même pas 10 minutes pour vous offrir le cadeau si vous avez la bonne réponse. C'est en général ce qu'on dit à quelqu'un, on dit, ah, répète pas. Et la personne qui le dit, non, t'inquiète pas, va directement appeler quelqu'un d'autre en disant, tiens, on me l'a dit, mais il faut pas que tu le répètes. Hein, donc, je te veux bien te le dire, mais tu me promets de pas le répéter. Elle dit oui, et ainsi de suite, en fait, tout simplement. Bon, on revient avec Pitbull maintenant et Marc-Anthony sur Fun Radio. C'est Rain Over Me. Une bonne matinée, il est 6h40. Mickaël, à la radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors, je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. 6h53 sur Fun Radio avec Pitbull à l'instant. Pitbull et Marc-Anthony avec Rain Over Me. Et puis bonne nouvelle également, puisque tout à l'heure, d'ici une grosse demi-heure, nous parlerons de nouveau de nos amis préférés. Nos champions du monde de la langue française. Si je serais une fille, entre guillemets, si je serais une fille, j'aurais jamais dit, par exemple, vas-y, on va sortir en discothèque. Voilà, c'est la nouvelle émission qui va démarrer sur Plug RTL. C'est les Ch'tis à Ibiza et nous avons les sons en exclusivité totale. La semaine dernière, on vous avait déjà fait vivre leur talent au niveau de l'orthographe, enfin pas de l'orthographe, mais de la conjugaison de la langue française, du savoir parler. Et bien, aujourd'hui, nous allons également vous faire découvrir une nouvelle facette de leur personnalité qui est relativement sympathique. Oui, ce sont des gens très sympathiques. Oui, très sympathiques. Trop bêtes, mais très sympathiques. Dans un instant, la réponse aussi à l'énigme qui colle. Je vous la rappelle en speed, là, une petite dernière fois, là, comme ça s'est fait. Difficile à trouver, difficile à garder, je cesse à l'instant où je suis découvert. Difficile à trouver, difficile à garder, je cesse à l'instant où je suis découvert. Si vous avez la bonne réponse, 63,22 par SMS, c'est 1 euro par message. Et vous repartirez peut-être avec un combo écran plat LED DVD. Ce qui veut dire que vous pouvez mettre le DVD directement dans la télé, ce qui est pratique au niveau du gain de place. Bon, alors ce matin, qui sera ta victime, Taf? C'est-à-dire que ce week-end, j'ai fait un peu la fête. Donc t'es bourrasse, quoi. Ça ne s'entend pas du tout. Non, il faut que j'aille au travail, mais je sais pas ce qui se passe, je crois qu'on est plusieurs dans ma tête. Ouais. Bon, et tu veux qu'on appelle des pharmacies, on l'a dit tout à l'heure? Bah oui, pour voir ce qui... Ils ont peut-être une solution pour m'aider. Bah, j'ai bien une solution, hein. Tu commences par te brosser les dents, hein. ça aidera tout le monde, je pense. Hein, mais... Pourquoi tu dis ça? Ça non. Sent super bon, le whisky. Bah oui. Allez, on appelle, c'est parti, on y va. Appelons directement la pharmacie. Enfin, une pharmacie. Une pharmacie de garde, hein, forcément, à cette heure-ci. En général, elles sont rarement ouvertes. Tout à cette heure-là. Bon, allez, c'est parti. Allô, santé, bonjour. Bonjour, madame. Allô? Oui. Oui, voilà, je vous appelle parce que je crois que j'ai un peu trop fait la fête ce week-end. Oui. Et en fait, je sais pas ce qui se passe, mais ça tourne. Bah, c'est normal, monsieur, c'est parce que vous avez trop bu, hein. Ah bon? Parce que voilà. Donc, malheureusement, je ne saurais rien faire pour vous. La garde médicale est terminée, donc. Oui, mais parce que là, en fait, moi, il faut que j'aille au travail. Ah, fallait réfléchir avant de boire hier soir. Parce que si j'arrive dans cet état-là, mon patron, il va me démonter. Oui, mais malheureusement, il faut attendre votre médecin traitant maintenant, parce que la garde médicale de nuit est terminée. Ah bon? Mais vous n'avez pas de solution pour moi, parce que là, je ne peux pas attendre. En fait, je commence dans une demi-heure. Non, il faut attendre votre médecin traitant, il n'y a rien d'autre à faire. Ah oui, parce que sinon, si vous voulez, je peux me déplacer, j'ai ma voiture. Oui, mais il n'y a pas non plus, monsieur. Le poste de garde est fermé aussi, donc... Ah oui. Ah bon, tout est fermé. Oui. Ah bon. Et comment je fais, moi, pour aller au travail? Il faut appeler votre médecin traitant. Ah oui. Oui, mais lui, il dort à cette heure-là, lui. Ben, dans une heure, monsieur, il faut téléphoner à votre patron, vous dire que vous n'allez pas vous présenter au travail, voilà. Mais vous ne voulez pas l'appeler pour moi? Ben, je ne sais pas, c'est pas mon rôle. Parce que comme c'est un médecin qui va l'appeler, ça sera plus crédible. Oui, mais non... Parce que moi, si je l'appelle comme ça, il ne va pas me croire. Je ne peux pas faire ça. Ah bon? Et bon, pour la gueule, pour mon... Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Faut dormir. Ah, faut que je dorme? Oui. Et vous croyez que je peux dormir au travail? Vous voulez pas me faire un mot pour mon patron? Mais je ne saurais pas, je ne peux pas. Ah bon? Mais pourquoi vous ne pouvez pas? Vous êtes médecin? Ben non, je ne suis pas médecin. Ah bah, vous faites quoi alors? Ben, je suis secrétaire. Ah, avec la petite jupe, tout ça, les petits... Ben, ça ne vous regarde pas. Bah oui, mais bon... Bah oui, mais bon. Vous pouvez rien pour moi, vous voulez pas discuter? Mais non. C'est quoi votre nom? Ça ne vous regarde pas non plus. Vous n'êtes pas très gentille, madame. Mais je sais. Alors que moi, j'étais là, j'étais cordial, je, Je ne sais pas être cordial de déjà demander le nom de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bah oui, mais c'est comment ça vous regarde quand même pas. Comment vous voulez qu'on se connaisse sinon? Ben, j'ai pas envie de vous connaître, donc les choses sont réglées. Vous êtes désagréable, madame, c'est scandaleux. Oui. Eh ben écoutez, je suis très déçu. C'est pas grave. Alors, je vous souhaite pas une bonne journée. Ben, moi non plus, monsieur. Eh ben, c'est ça. Eh ben, casse-toi. Connasse. Oh non. Ça elle est restée super gentille, quoi. Ouais. Attends, à 7h du matin, il y a un bourré qui l'appelle. Enfin, c'est toi, ça, c'est mec sort de soirée dégueulasse, là. Ouais. Un vieux crâne. Je suis pas dégueulasse. Bon, on essaiera d'appeler une autre pharmacie tout à l'heure, là. Si vous connaissez un pharmacien ou une pharmacienne un peu sympa, ou qui, tu sais, genre une petite vieille qui va s'énerver rapidement, ou même un jeune qui peut s'énerver rapidement, n'hésitez pas à nous transmettre le numéro au 3044 par SMS ou alors sur mikael.fm. En parlant de bourré, il y a la vidéo de Gérard Depardieu qui est sur mikael.fm. Oui, ça y est, c'est en ligne. Voilà, vous pouvez aller voir si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Bon, la réponse à l'énigme qui colle, c'est dans un instant. Tu n'as personne, t'as fait actuellement Actuellement, non. Là, non, mais juste non, après non, les infos. Personne n'a donné la bonne réponse. Eh ben, arrête un peu, ils sont 10 000 à avoir trouvé la bonne réponse. Regarde, non, je vois pas. Bon, dernier message qui vient d'arriver, c'est une rumeur. Non, bien sûr, ce n'est pas ça. Tu vois qu'il n'y a pas de bonne réponse. Ouais, c'est ça. Trouve quelque chose et on fera ça après les infos. Et David Guetta arrivera aussi après l'info, ce sera Little Bad Girl sur Fun. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël, à la radio. Et à 6h59, on passe à l'info maintenant avec Julie. Salut à tous. Ce dimanche, cela faisait tout juste 10 ans que les tours du World Trade Center se sont effondrées à New York, du Pakistan à l'Italie, en passant par l'Afghanistan ou encore Londres. De nombreux pays ont rendu hommage aux quelques 3000 victimes de ces attentats du 11 septembre. Nombre de dirigeants soulignant toutefois que la lutte contre le terrorisme était loin d'être terminée. Chez nous, une célébration pour la paix, pour commémorer les attentats, a rassemblé hier après-midi en la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule à Bruxelles, un millier de personnes. Hier soir, les négociateurs se sont quittés vers 4h du matin après 18 heures de discussion. Ils se retrouveront aujourd'hui vers 13h, toujours pour discuter du fameux dossier BHV et de la loi de financement. Et si les oui partis, présidents de parti, le formateur, se sont quittés sans un commentaire, ce week-end, ce sont plutôt ceux qui ne négocient pas qui ont fait parler d'eux. À la note d'Iropo, nous disons aujourd'hui encore plus clairement qu'hier, non. Ce sont les mots de Bart De Wever, président de la NVA, à l'occasion des 10 ans de son parti. Les nationalistes flamands ont rassemblé donc hier pour leur 10e anniversaire près de 5000 personnes dans le domaine de Bocrec. Alors qu'Olivier Minguin, président du FDF, a rappelé tout le mal qu'il pensait de la note du formateur et de ses propositions pour la réforme du pays. Un homme a été abattu par la police à Locristie en Flandre. Il cohabitait avec ses parents et ce sont justement eux qui ont appelé la police vers 4h30 du matin hier. À leur arrivée sur place, les agents de police ont remarqué que le trentenaire était armé d'un couteau. Ils ont estimé nécessaire de faire usage de leur arme à la demande du juge d'instruction. Le parquet s'est jusqu'à présent refusé à donner des informations sur ce qui s'est passé avant l'arrivée des policiers. Un expert en balistique et un médecin légiste ont été désignés pour vérifier l'authenticité des déclarations des témoins et si les agents étaient bien en situation de légitime défense. Enfin, en sport, pour la 6e journée du championnat, dimanche, Malines s'est inclinée devant Bruges 1-2. Anderlecht a battu Courtrai 2-0 et Zulte Waregem s'est incliné face à la Gantoise 1-3. 7h01 sur Fun Radio, la météo maintenant. Après une matinée plutôt grise et même de la pluie, le temps devrait redevenir sec cet après-midi. Côté thermomètre, il fera assez doux, jusqu'à 22 degrés. Demain, le ciel restera couvert et jusqu'à 18 degrés. Bon, et à 7h02 dans un instant, l'info en plus et on paiera vos factures. Je vous rappelle que si vous voulez qu'on vous paye vos factures maintenant, 6322 par SMS, débutez ce message par facture tout simplement. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture, comme là, 159€ pour un précompte immobilier, 362€ pour un séjour à Disney, 1400€ pour la rentrée de mes trois filles, 123€ pour Belgacom, 96€ pour des disques et des plaquettes de frein, assurance habitation également, 87€ pour Belgacom, c'est Angélique. 6322 débuté par facture et dans quelques instants on vous appelle en direct. Fun Radio. Fun Radio. Et à 7h03 sur Fun Radio, l'info en plus maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux pas faire un 11 septembre, franchement? Aller dans des tours très hautes. Oui. Prendre l'avion. Voilà, c'est plus ou moins ça, mais surtout mettre la panique dans un avion. Ah, oui. C'est-à-dire qu'il y a trois personnes qui ont commis cette imprudence, ils ont provoqué la panique à bord d'un avion. Et comment ils ont fait? C'est qu'ils ont été se rendre régulièrement comme ça aux toilettes. Petit à fin, ils allaient les uns après les autres aux toilettes. Donc forcément, ça a éveillé la curiosité des passagers. Le pilote de l'avion a préféré carrément contacter les services d'urgence, craignant une attaque terroriste. Ah, donc l'US Armée a donc envoyé deux F-16 pour escorter l'avion jusqu'à Détroit. Parce qu'en plus, c'est un avion qui était au-dessus du ciel américain. Donc franchement, les gens, ils n'avaient pas peur. Et en fait, les trois passagers ont été amenés au poste de police. Tout ça pour comprendre qu'en fait, ils allaient régulièrement aux toilettes pour pisser. Des galipettes. Ah oui, d'accord, ok. Mais ils quoi allaient, c'est... Ouais, ils allaient par deux, trois aux toilettes. Bah oui, c'est normal. C'est à quoi ça sert sinon les toilettes? Ah, ouais, voilà. Bah c'est ça, oui, à quoi ça sert. Donc, voilà, ils ont fait ça quand même un 11 septembre, donc ils ont peur de rien, quoi. Ouais, forcément, les services de sécurité ont été aux aguets, aux amours. Il n'y a pas de jour férié pour le sexe, hein. Non, c'est vrai, mais mieux vaut éviter de faire ça dans un avion un 11 septembre, surtout dans le ciel américain. Ouais, c'est ça, mieux vaut s'abstenir, effectivement. Oui, si possible. 7h04 sur Fun Radio, dans un instant, les factures, on va vous les payer et on va vous donner aussi l'écran plat, comme je vous l'avais promis, écran plat LED. LED DVD, le combi, donc ce sera avec la réponse à l'énigme qui colle. Et au niveau du son, bonne matinée tout le monde, c'est David Guetta qu'on écoute avec Little Bad Girl, 7h04 sur Fun Radio. Le son de David Guetta à l'instant sur Fun Radio avec Little Bad Girl. Et je vous rappelle que vous allez pouvoir vous inscrire, vous pouvez le faire dès maintenant si vous le souhaitez, pour repartir avec le dernier album peut-être de David Guetta, c'est Nothing But The Beats, ou encore la possibilité de repartir avec des smartphones Xperia Sony Ericsson, et même la possibilité de repartir aussi direction Liège pour une soirée VIP avec David Guetta à Liège. Vous allez pouvoir le rencontrer, et donc ça c'est ce que vous gagnerez, un des trois cadeaux d'office si vous êtes sélectionné. Et après, si vous êtes tiré au sort après ça, vous repartirez peut-être en plus avec le City Trip Live direction Ibiza pendant 4 ou 5 jours, je ne sais plus, avec l'hôtel, le transport, tout est compris, les passes aussi pour la discothèque, bien entendu. Direction Ibiza, c'est bien après les vacances, tu vois. Tu retournes en vacances. Ouais, tu refais des petites vacances, comme ça, la cool. Et comme ça, après, tu pourras retrouver les ch'tis à Ibiza. Ouais, exactement. Ah oui, bah oui, forcément. Car oui, les ch'tis à Ibiza, nous en parlerons d'ici quelques instants. Mais avant cela, nous avons la réponse à la petite devinette qui colle. Qui est avec nous? Bonjour. Bonjour. Bah dis donc, tu m'as l'air bien jeune. Quel âge tu as? 10 ans. 10 ans. T'es pas censé être à l'école, toi? Ah, 7h du matin. Non, mais bon, il y a au moins d'y aller sur la route, quoi. Tu vois, moi, je prenais le tram de 7h06 avant. Je m'en souviens, ça m'a tellement perturbé que je m'en souviens encore. Bon, alors comment tu t'appelles? Ilola. Et tu appelles d'où? De Bruxelles. Bon, ben c'est 104.7 pour écouter Fun à Bruxelles. Bon, Ilola, tu as la bonne réponse à la petite devinette qui colle, je vais la répéter. Difficile à trouver, difficile à garder, je cesse à l'instant où je suis découvert. C'est un secret. Eh oui, tu as trouvé toute seule ou c'est papa, maman qui t'ont aidé? Non, c'est moi qui ai trouvé. Eh ben, tu vois, bah bravo. Quand je vois tous les autres cons, là. Oui, qui ont peut-être 30 balais. Hein, oh, regarde, 10 ans. Ah, bah, t'as... Évite de dire con, s'il te plaît. Bah quoi, dis con. Non, on évite les gros mots. J'aurais pu dire bien plus violent. Oui, ben non. Tu vois, hein. Non. Bon, eh ben, je t'offre pour ta chambre, tiens, une télévision combo, donc avec LED et DVD. Bah oui. Bah quoi, pour ta chambre à 10 ans. Mon neveu, il est plus jeune. Je peux te dire que les miens, quand ils auront 10 ans, je te dis. Ouais, ouais. Ils vont vivre en 1930. Hein. Ils auront qu'il y aura des livres et voilà. Sans images. Ça va durer 2 jours. Hein. Tu vas voir qu'après, comment ça va se passer. Hein. 10 ans, moi j'ai une télé dans ma chambre à 18 ans. Mais oui, mais t'es vieille par rapport à eux, je suis désolée. Attends, j'ai 27 ans, ça va. Oui, mais par rapport à Ilona qui en a 10, t'es vieille. T'imagines, elle a dû attendre 25 ans avant de pouvoir ramener un mec à la maison. Ouais, mais j'ai ramené le bon, ça qui est bien. Bah écoute. Bon, donc on va t'offrir ça, tu vas pouvoir mettre des DVD directement dans la télé, tu vas voir, c'est très pratique, Ilola, d'accord? Ok, monsieur. Oui, oui, madame. Ok, je pourrais dire une première chose. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi. Je voulais souhaiter un bon anniversaire à mon papa parce que c'est aujourd'hui. Oh, c'est trop mignon. Je vais te mettre la musique, attends. Ah non, vite, s'il te plaît. Eh ben, bon anniversaire à lui également. Je te fais des gros bisous, Ilola. Oui. À bientôt. Hey, salut. Voilà, hey, ça y est, je vais sous le charme. Ah bah, Isa. Ah bah, c'est mignon. Non, elle a 10 ans, mignonne. Elle a 10 ans. Hein. Ouais, elle est pas mongolienne non plus. Hein. Bon, t'arrêtes avec ce mot-là, dis-toi. Quoi? 7h10 sur Fun Radio. Oui, c'est vrai que je pouvais plus le dire en plus. 7h10, c'est parti, on va vous payer vos factures maintenant. Tous les matins, Fun Radio. radio paye vos factures. C'est pas un mot méchant, hein, c'est une expression pour dire qu'il... C'est certainement pas, c'est même bien sûr que non, c'est pas un mot méchant, mais voilà. Tu l'as à la bouche. Varie un peu ton vocabulaire. Et en plus, c'est pas très grave, hein, je salue également tous ceux qui nous appellent, qui nous appellent et qui nous écoutent. En Mongolie, mais oui, en tout Mongolie, à fait. Via fanradio.be. Ça peut arriver. Je suis sûr qu'ils sont très nombreux. Mais hey, qu'est-ce que tu sais? Allez, 6322. Si vous êtes inscrit. Vous vous êtes inscrit pour qu'on vous paye votre facture. On vous appelle maintenant. Si il ou elle décroche en disant que c'est fun, c'est gagné. C'est mal barré. On fait pas comme la valise, juste 5 sonneries et après on le raccroche au nez. On aurait pu. Mais bon, on n'est quand même pas des. Bonjour. On n'est pas des vieux cons quand même. Hein. Vous êtes en contact avec la boîte, avec à, la message boîte à message de... Madame Véronique. Ah, Véronique, oui. Véronique, Véro. Quel est le rapport? Je rappelle qu'il y a quelques temps, des petites 10 ans qui nous écoutent. Au revoir. Et merci. Allez, au revoir. 7h11 sur Fun Radio, malheureusement, Véronique, nique, et ben, c'est ce qui t'est arrivé. Elle est sur sa facture. Ouais, là, ouais. C'était une facture de combien, Toff, qu'on devait rembourser 25 euros. Oh, bon, c'est une petite facture en plus. Bon, enfin, c'est dommage. Bon, ben, 25 euros qui te passent sous le nez, Véronique. C'est vraiment dommage. En tout cas, tu retournes ta chance quand tu veux. 63-22 en débutant le message par facture. Gros bisous, Véro. Quand tu entendras le message, tu vas être de très mauvaise humeur. Et sache que tu vas râler pendant au moins 33 minutes. C'est la moyenne. Les gens râlent pendant 33 minutes le lundi matin. Allez, bonne semaine. Voilà. Contre 22 les autres jours. Bon bah les autres, vous connaissez la règle, si ça ne décroche pas, on ne sélectionne que les messages qui arrivent entre le moment où ça ne décroche pas et le jeu suivant, c'est-à-dire entre 7h12 et 8h10, prochaine fois où on appellera pour régler vos factures. 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Nous irons voir tout doux dans un instant et puis on va écouter les Black Eyed Peas là. Let's get it started sur Fun. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Marc Morandini, je suis super heureux d'être en Belgique, mais pourquoi fallait-il que j'aille voir aussi Mickaël à la radio? Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Exactement, et alors juste une petite... j'avais presque oublié donc qu'on allait devoir faire aussi la petite question qui colle pour aussi repartir des cadeaux. Sur quel genre de fille fantasme Silvio Berlusconi? Si vous avez la bonne réponse, voilà. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. 63-22 par SMS également. Sur quel genre de fille fantasme Silvio Berlusconi? Et on va enchaîner maintenant, comme je l'ai promis, avec les Black Eyed Peas. Let's get it started. Nickel, non. À la radio. Les Black Eyed Peas, j'ai dit. Les Black Eyed Peas. Il n'y a plus rien qui marche. Et Julie va encore dire oui, mais c'est toi qui ne sais pas faire machin à machine. Blablabla, blablabla. Bon, Black Eyed Peas. Ben, je trouve plus les Black Eyed Peas. C'est vraiment dommage. Ah, il a été zappé, il a été zappé. Voilà, normalement ça devrait aller, attention. Voilà. Nickel, tu vois que je vais faire marcher la machine. Oui, bien sûr, après trop. Oiseau de mauvaise augure. Merci, merci, Mickaël. Mais je t'en prie, avec plaisir. 7h13 sur Fun, bon week-end. Bon week-end, c'est bon ça? Bonne semaine. Les Black Eyed Peas sur Fun Radio, let's get it started à 7h17. Bon réveil tout le monde, je vous répète la petite question qui colle pour gagner les cadeaux. Sur quel genre de fille fantasme Silvio Berlusconi? Alors c'est vrai que la réponse est relativement ouverte, mais, enfin la question plutôt, mais la réponse, je vais vous donner un petit indice. Un déguisement spécial. Ouais, alors c'est très spécial, puisqu'en général ce sont des femmes qui ne sont pas autorisées, ou en tout cas qui font vœu de ne pas le faire. Voilà. Qui sont habillées en noir et blanc en général. Voilà. Ou blanc et noir, après tu appelles ça comme tu veux. Si vous avez la bonne réponse, donc je répète, sur quel genre de fille fantasme Silvio Berlusconi? Si vous avez la bonne réponse, il y a des cadeaux Julie pour vous. Julie n'est pas une bonne réponse. Mais oui, c'est ça. 63-22, vous débutez le message par rien, par la réponse en fait, tout simplement. Bon, alors, dans un instant, l'horoscope, on va le faire maintenant. Tiens, allez, c'est parti, l'horoscope maintenant. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Et oui, l'horoscope avec notre ami Doudou. Hein, Doudou, ça va, vous avez passé un bon week-end? Oh là là, oui, je suis crevé. Je sais pas si je vais arriver à mon match. Ah bon, vous avez fait quoi? Oh, si vous saviez, c'était passionnant. Oui, non, mais d'accord, mais vous avez fait quoi? J'ai dormi. Ah, très bien. Bon, ça avait l'air effectivement passionnant. Ah bon, oui, oh là allez. Là, qu'est-ce que c'était ça bien. Ça dépend des rêves qu'il a fait. Hein. Oui, ça aussi. Ah oh, si, oh là là, je ne peux pas raconter. Allez, voilà, on va pas vous déranger plus longtemps. Alors, les béliers, on va commencer par eux, comme d'habitude. Restez calme, il y a des jours comme celui-ci et il faut faire avec. C'est vrai. Commencer par les béliers, c'est un peu normal. On commence toujours par le top. Ah, bien sûr. Ouais. Oh là là, le mec, il c'est a un melon, must, mais gros comme une maison. Le must du must. Le caviar du caviar. Ouais, voilà, comme vous pouvez le remarquer, Mickaël et la modestie, ça fait qu'un. Non, surtout, vous avez remarqué que j'étais bélier. Les taureaux. Pas du tout. Alors, taureaux, aujourd'hui, il y a de l'amour dans l'air. Mais soyez vigilants, les couples qui vont se former aujourd'hui, ils vont pas durer. D'accord, les gémeaux. Oh là là, oh là là, bah oui, un coup d'un soir, ça marche toujours. Hein. C'est vrai, un coup du matin aussi. Les Gémeaux, allez, vous. Même si tout va bien dans votre vie privée, vous avez tout de même négligé votre partenaire. Oui, le pauvre. Les Cancers, comme je dis. Faites la différence entre vos peurs et la réalité. Les Lions. Vous êtes à envier, vous êtes en pleine forme et vous pourriez déplacer des montagnes. Mais je ne sais pas comment on fait. c'est pas grave, c'est une expression de doux. Ah, les Vierges. Aujourd'hui, vous vous sentez bien sans le remarquer. Moi, ça vaut bien la peine. Les Balances. Aujourd'hui, vous avez de bonnes chances en amour, alors profitez-en. Les Scorpions. Ne soyez pas si dépensiers, agissez avec modération. Les Sagittaires. Dépensez votre soi plein d'énergie au sport. Cela augmente votre bien-être et les effets secondaires, c'est que vous allez perdre du poids. D'accord, les Capricornes. Ne vous rendez pas malade à cause du stress au travail. Les Verseaux. Votre réussite pourrait vous rendre arrogant. Et enfin les Poissons. En ce moment, vous ne connaissez pas le grand amour. Alors attendez encore un peu. Il va peut-être arriver, courage. Mais qui sait. Bon, à tout à l'heure, dans une heure, Doudou. Mais oui, à tout à l'heure. Très bien, et dans un instant, nous allons parler des ch'tis, bien entendu, avec notre ami préféré, le copain de notre ami Julie. Yepa. Et oui, notre ami Yepa, bien évidemment. Hein, oui, on l'aura dans quelques instants, et vous verrez qu'il parle toujours aussi mal français. Ce sera d'ici quelques instants, le temps d'écouter Like Ely maintenant sur Fun Radio avec I Follow Rivers. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici, Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. Le son de Like Ely à l'instant sur Fun Radio. On peut dire le son préféré de Julie, pour l'instant elle chatonne tout le temps quand ça passe. En ce moment je l'écoute tout le temps. Et là, I follow you, la la la la. 7h23 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, c'est lundi aujourd'hui, le 12 septembre. Oui, pour ceux qui n'auraient pas deviné qu'on était le 11 hier. Hein. Oui, fallait quand même si être un petit peu... Si quelqu'un a réussi à passer au travers de ça, franchement, bravo à eux, hein. C'est félicitations. Bon, Mickaël réveille la Belgique, c'est le jeu que nous ferons tout à l'heure. Si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas, il y a des cadeaux bien évidemment. Le concept facile, vous êtes peut-être chez vous, vous êtes dans un endroit où il y a du monde. Bref, et le but c'est que vous réveillez la Belgique dans le sens où vous avez peut-être réveillé vos parents, vos copains, votre copine, votre frère, votre sœur, ou alors tout simplement vous êtes dans la rue, dans un supermarché, n'importe où, et vous criez Fun Radio, Mickaël réveille la Belgique tous les matins sur Fun Radio. Voilà, si vous êtes prêt à faire ça, il y aura des cadeaux pour vous. Inscrivez-vous dès maintenant au 3044 en débutant le message par réveil, et puis nous on s'occupe de tout, on vous rappelle juste derrière. Et nous aurons également dans quelques instants la réponse à la devinette qui, à la question qui colle, pardon, sur quel genre de fille fantasme Silvio Berlusconi. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, en général elles font vœu de chasteté, elles sont habillées en blanc et noir. Et il y en a qui ont répondu Ruby. Je tiens à vous préciser que Ruby, il ne fantasme plus dessus. Oui, c'est vrai. Il est déjà passé dessus. Il a déjà eu. Enfin voilà, c'est déjà fait quoi, c'est ça qu'on voulait dire. Bon, allez, c'est parti maintenant. Je vous en ai parlé la semaine dernière de cette grande émission qui va bientôt arriver sur Plug RTL, les Ch'tis à Ibiza. Oui, qu'on pourrait également appeler Bienvenue chez les Gogols. C'est vrai aussi, ouais. Et donc, on a encore la preuve ce matin. Hein. Aujourd'hui, on va apprendre à parler le français avec les Ch'tis à Ibiza. Et vous allez voir que c'est de la haute. Très haute voltige, écoutez. On devait passer un par un pour montrer de quoi, qu'est-ce qu'on savait faire. Quel style on avait à peu près. De quoi, qu'est-ce qu'on savait faire. Je vous le remets, c'est pour on moi. On devait passer un par un pour montrer de quoi, qu'est-ce qu'on savait faire. Quel style on avait à peu près. Voilà, c'est ça. Sympa quand même, Yepa. Et donc il est là aussi lui, hein. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on savait faire. Ah, le qu'est-ce qu'on savait faire était quand même pas mal. Bon, alors j'espère que vous avez donc bien suivi, hein, que vous allez bien suivre, pardon, puisque maintenant, écoutez bien, c'est encore de la haute voltige avec quelqu'un qui a du mal à conjuguer le verbe suivre. Je pense qu'elle peut être fière qu'il y a un homme qui danse quand même comme les femmes qui doivent danser, que j'ai suivi quand même le cours. Attends, j'ai rien compris. Alors, je remets. Je pense qu'elle peut être fière qu'il y a un homme qui danse quand même comme les femmes qui doivent danser, que j'ai suivi quand même le cours. Ok, ah, il a suivi le cours, je crois que c'est ça qu'il explique. Ok, d'accord. Ouais, Voilà, donc j'espère que vous avez bien suivi justement, parce que de toute façon c'est pas fini. Écoutez bien, j'ai une dernière leçon pour ce matin. Alors écoutez, attention, là aussi c'est du haut niveau. Allez, il n'y a pas ma place ici. J'étais déçu que je pouvais pas me donner qu'est-ce que j'ai dans moi comme je donnerais dans une boîte. Ouais. Une chose est sûre, ce n'est pas le français qu'il a dans lui. Ah non, c'est clair, ouais. Ça, c'est sûr. Je vous le remets, celui-là. Allez, il n'y a pas ma place ici. J'étais déçu que je ne pouvais pas me donner. Qu'est-ce que j'ai dans moi, comme je donnerais dans une boîte. Voilà, donc je vous avais dit, c'était de la houle voltige. Ça va arriver bientôt sur Plug RTL. Donc, les ch'tis à Ibiza. Et qu'ils auraient mieux fait de faire les ch'tis en France, dans un cours de français, à l'école. Hein, parce que... Les ch'tis à l'école, ça serait pas mal, je pense. Non, mais là, c'est quand même très violent, quand même. Ah non, mais on comprend même plus ce qu'ils disent. C'est ça, le problème. Ah, mais c'est très, très dur. Une faute de français, bon, ça arrive à tout le monde, mais alors là on comprend plus, les phrases elles ressemblent plus à rien. Ah, le cours que je suivais. N'importe quoi. Bon, on a quelqu'un pour la question qui colle? Mais évidemment, tant mieux. Qui est là pour la question qui colle? Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Sébastien. Salut Sébastien, comment vas-tu? T'as passé un bon week-end? Trop court, bah, comme beaucoup de week-ends. Ah ouais, oui, bah, mais ça c'est le cas pour tout le monde. Ah, mais c'est le problème de tout le monde, hein. Ça c'est. Ah, et ça, c'est... Oui. Mais oui, mais c'est ça, c'est dommage. Bon, alors, tu appelles d'où, toi? De Bruxelles. De Bruxelles, ok, très bien. Et bah, tu as la réponse à la question qui colle, je vais la répéter. Donc, quel est le style de femme, quel genre de fille, sur quel genre de fille fantasme Silvio Berlusconi? Les bonnes sœurs. Les bonnes sœurs, effectivement, les nonnes, hein, on peut voir ça comme ça, c'est vrai, pas mal. Bon. Et oui, ça ne m'étonne pas de lui. Bah oui, parce qu'en fait, c'était les soirées Bunga Bunga là, de Silvio Berlusconi qui font donc à nouveau parler d'elle, puisqu'il y a des nouvelles révélations qui dévoilent que Silvio craquait notamment pour les danses coquines de femmes déguisées en nonnes peu chastes. Je rappelle qu'il a quand même 74 ans, hein, Silvio. Eh oui. Ah, le gros cochon. Ah, il est au taquet du taquet. Hein. Ouais. Et bon, tous les jours, il remercie Pfizer d'avoir inventé le Viagra. C'est vrai. Bon, écoute, merci à toi en tout cas d'avoir participé. Tu as gagné les cadeaux. Je te renvoie au standard. Passe une bonne journée. À bientôt. Allez, salut. Et on enchaîne évidemment juste avant l'info avec la devinette qui colle. A gagné les écrans plats LED DVD. C'est les combis en fait, les combos. Vous appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez mettre le DVD directement dans la télé. C'est pratique pour une chambre ou la cuisine par exemple. Petite énigme qui colle. Il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elle se sépare. Qui sommes-nous? La Belgique? Non, pas du tout. C'est une idée, mais non. Il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elle se sépare. Qui sommes-nous? Quand je dis oui ou non, c'est n'importe quel mot. Ok, j'ai rien compris. Donc, bah, je pense alors qu'on si Julie n'a pas compris... C'est qu'il y a peu de gens qui peuvent comprendre. Il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elle se sépare. Qui sommes-nous? Chaque personne en a deux. Chaque personne en a deux. D'accord. Voilà. Et ça se situe au niveau du visage. Des blondes, pas plus. Non. 63-22, si vous avez la bonne réponse, homme ou femme, n'importe quoi, blanc, noir, rebeu, tout le monde en a deux. Enfin, sauf ceux qui ont eu un accident. Voilà, bonne réponse qui arrive au 63-22. Bonne chance tout le monde. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Et 7h30 sur Fun Radio dans un instant, c'est Neyer qui arrive. Neyer, Momi et Pitbull, soit fait. Mais avant ça, 7h31, l'info maintenant qui n'attend pas, bien évidemment, avec Julie. Salut à tous. Ce dimanche, cela faisait tout juste 10 ans que les tours du World Trade Center se sont effondrées à New York. Du Pakistan à l'Italie, en passant par l'Afghanistan ou encore Londres, de nombreux pays ont rendu hommage aux quelques 3000 victimes de ces attentats du 11 septembre. Nombre de dirigeants soulignant toutefois que la lutte contre le terrorisme était loin d'être terminée. Et chez nous, une célébration pour la paix, pour commémorer les attentats, a rassemblé hier après-midi en la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule à Bruxelles un millier de personnes. Hier soir, les négociateurs se sont quittés vers 4h du matin après 18 heures de discussion. Ils se retrouveront aujourd'hui vers 13h, toujours pour discuter du fameux dossier BHV et de la loi de financement. Et si les huit présidents de parti et le formateur se sont quittés sans un commentaire, la porte-parole du formateur Elio Di Rupo a simplement déclaré que les discussions ont beaucoup avancé. Mais ce week-end, ce sont plutôt ceux qui ne négocient pas qui ont fait parler d'eux. À la note dit Rupo, nous disons aujourd'hui encore plus clairement qu'hier, non. Ce sont les mots de Bart De Wever, président de la NVA, à l'occasion des 10 ans de son parti. Les nationalistes flamands ont rassemblé hier pour leur 10e anniversaire près de 5000 personnes dans le domaine de Bocrec. Alors qu'Olivier Minguin, président du FDF, a rappelé tout le mal qu'il pensait de la note du formateur et de ses propositions pour la réforme du pays. pays. Un homme porte plainte pour avoir été contaminé au VIH, le virus du sida. L'homme originaire d'Asselt avait eu une relation avec un homme qui était séropositif depuis 6 mois et qui n'a rien dit. L'enquête doit déterminer s'il y a d'autres victimes. En Belgique, il est rare qu'une plainte pour contamination volontaire au virus du VIH soit déposée. Il existe toutefois des précédents. Le tribunal correctionnel de Huy a notamment jugé et condamné cette année un homme originaire angolais, d'origine angolaise, qui avait contaminé consciemment son épouse. Les bourses asiatiques ont ouvert en baisse ce matin et l'euro est au plus bas en 10 ans face au yen, plombé par la crainte d'un défaut de paiement de la Grèce. Enfin, en sport, football, pour la 6e journée du championnat, dimanche, Malines s'est incliné devant Bruges 1-2, Anderlecht a battu Courtrai 2-0 et Zulte Waregem s'est incliné face à la Gantoise 1-3. Et à 7h33, c'est la météo maintenant. Après une matinée grise avec le risque d'un peu de pluie, le temps devrait redevenir sec cet après-midi. Côté thermomètre, non. Ah merde, t'en vas pas. J'ai essayé. Hein. Côté thermomètre, il fait assez doux, jusqu'à 22 degrés. Demain, le ciel restera couvert et jusqu'à 18 degrés. Et ensoleillé. Pas du tout, non. Je vais essayer. Couvert, t'as compris le mot couvert? Oh oui, mais j'essayais, parfois c'est couvert et ensoleillé, on sait jamais. Hein. Non. Des risques, des passages, c'est on sait jamais. C'est variable en fait, ça dépend un peu où tu es. Ah. Tu peux avoir une chance d'avoir une éclaircie, oui. Bah oui, une chance alors. Mais alors profitez-en bien, profitez-en bien. 7h34, l'info en plus. Fun Radio. Avec Julie, comme d'habitude. Alors pour ceux qui ont de la famille à l'étranger ou même des gens qui ne savent pas se déplacer, maintenant il existe le mariage via Skype. Voilà, donc voilà. Par exemple ceux qui sont en Mongolie, qui nous écoutent actuellement d'ailleurs, peuvent suivre un mariage en direct. Exactement, alors c'est à Gand, donc c'est chez nous en Flandre, et cette ville donc facilite la retransmission des cérémonies de mariage via Skype, donc celles-ci pourront être suivies par exemple à l'étranger, ce qui veut dire que les mariés donc sont à l'hôtel de ville, ils se marient, tout ça est retransmis via Skype. Ah ouais, c'est donc sympa ça. Vous pouvez retransmettre ça où vous voulez, tu te connectes et tu vois la cérémonie de mariage. Par exemple, aujourd'hui à 15h, un Gantois s'unira à une femme d'origine russe. Bah, ça a le côté pratique du fait que je peux pas venir. Du coup, t'économises les billets d'avion, t'économises le cadeau, t'économises du temps. C'est franchement bien. Hein. Et donc, le bourgmestre, enfin, l'échevin plutôt, précise qu'il y a de moins en moins de mariages à l'église. Il y a de plus en plus de mariages que au civil, donc on doit évidemment passer d'abord par le civil, c'est obligatoire, mais il y en a de moins en moins qui passent aussi par l'église, donc ils voulaient rendre un peu ça plus personnel. D'accord, non mais c'est bien, franchement c'est pas mal comme système. C'est pas mal, ouais. 7h35 sur Fun Radio, on va s'écouter Neyer, Mombi et Pitbull, mais avant ça je vous rappelle la petite devinette qui colle. Il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elle se sépare. Qui sommes-nous? Ou simplement le fait de... là, en l'occurrence, chez moi, elle se sépare, tu vois, par exemple. Ah oui, ça c'est... maintenant, moi aussi, elle se sépare. Voilà. Bah oui, et quand je me tais, elle se sépare plus, évidemment. Ouais, j'ai un autre indice, Julie en a plus que Mickaël. Oui, merci. Oui, c'est vrai que les filles en ont plus. Mais bon, à ce niveau-là, tout le monde en a... On a que deux. Voilà, je n'en dis pas plus, c'est bon. Je n'ai rien dit de vulgaire. Toi, c'est tout. On proposait les narines, c'est pas ça. On proposait les oreilles, ce n'est pas ça non plus. La mâchoire non plus, mais on n'est pas loin au niveau de la mâchoire. Hein. Vous êtes dans la bonne zone, dans la bonne zone du corps humain là. 63,22, c'est 1€ par message. Et je vous le rappelle depuis ce matin, c'est des téléviseurs combo LED DVD qu'on vous file. C'est pratique pour la cuisine ou pour la chambre. Hein. Comme ça, vous pouvez mettre un DVD directement dans la télé. Et vous allez pouvoir les lire, ce qui est quand même plutôt pratique. 63,22. Si vous avez la bonne réponse, je répète donc, il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elle se sépare. Qui sommes-nous? Allez, bonne chance tout le monde. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël, à la radio. Je croyais que Julie était en train de chanter, en fait. Non, je crois que tu rêves. Si, elle chante, mais chaque fois que tu coupes, elle arrête. Ouais, c'est pas ça, du tout, ouais. Alors, il faut savoir qu'elle est dans Suavemente. Oui, c'est ça, bien sûr. Et alors, c'est une casserole. Ça, c'est plutôt toi, ça, Mickaël. Dans le studio, c'est une casserole. Hein. Je vous explique même pas, vous avez de la chance d'être derrière la radio. Hein. Oui, bien sûr. 7h40 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. Nous avons Oussama avec nous maintenant pour un 12 septembre, c'est pas mal. Oui, je trouve ça bien. Ouais, c'est bien. Salut Oussama, comment ça va? Salut, tranquille, et vous? Ça va. J'imagine que t'es au Festival de la Vanne là, avec ton prénom. Non, c'est le Festival de la Vanne avec ton prénom. De quoi? C'est quand j'étais petit. Ah, quand t'étais. Ouais, bah forcément, ouais, c'était il y a 10 ans, ouais, c'est clair. C'est ça, maintenant ils les tapent les mecs, donc du coup ils osent bah plus. Bah ouais, maintenant ils osent plus, ouais. Bon, Oussama, t'es à Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun à Bruxelles. Et tu es là pour Mickaël Réveille la Belgique. Tu vas réveiller qui, Oussama? Je vais réveiller David. Et c'est qui, David? Bonjour. C'est qui David ou ça va? Pardon? C'est qui David? Allô? Je dis c'est qui David? Oussama, ça va être compliqué de faire Mickaël réveille la Belgique avec ton téléphone pourri. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà qu'il réveille son téléphone. Oui, c'est ça. Oussama? Oui. Ah, c'est qui David? Un pote à moi. Un pote à toi, d'accord, ok. Et t'es chez lui là? Non. Bah, tu vas y problème. Tu vas y arriver quand? Ah, on l'appelle en direct? Bah ouais, très bien. Ah d'accord, mais c'est oui, mais t'avais noté le numéro, Tof? Pas du tout, mais d'accord, je vais le prendre immédiatement. Eh ben prends-le immédiatement, alors c'était pas du tout prévu ça, mais bon d'habitude, parce que là sinon on va pas le réveiller en général, 9 chances sur 10, le mec il va pas décrocher. Bon allez, au cas où, je veux bien qu'on essaye, on va essayer exceptionnellement, mais bon d'habitude effectivement le but c'est d'arriver à réveiller quelqu'un quand on est à côté de lui ou d'arriver à crier à côté des gens avec qui on est à côté. Là, par téléphone, évidemment, il y a de fortes chances que ça tombe à plat. Bon, enfin, on verra bien, c'est pas très grave. Il y en aura Vichy aussi, juste après, on donnera la réponse à l'énigme qui colle. Sans oublier aussi les factures qu'on va vous rembourser dans un instant. Au 63-22, je rappelle qu'à 7h10, ça n'a pas décroché, ce qui veut dire qu'on ne sélectionne que ceux qui s'inscrivent entre 7h10 et 8h10. Donc, vous avez encore une demi-heure pour vous inscrire. Bon, ça va, on appelle David maintenant, même si s'il dort, il y a peu de chances qu'il décroche, mais on sait jamais. Et donc, tu vas crier « Mickaël réveille la Belgique » tous les matins sur Fun Radio. Et c'est pas gagné. Bonjour. Et ben voilà. Ah ben voilà. Je m'y attendais un petit peu. C'est pas grave, Oussama. On retentera notre chance, en tout cas la tienne, un petit peu plus tard ou un autre jour quand il y aura quelqu'un qui sera à côté. Ce sera quand même beaucoup plus pratique, effectivement. 7h42 sur Fun Radio. Dans un instant, la réponse à l'énigme qui colle. Et puis on va s'écouter, je l'avais promis. Avicii avec Levels. Et puis restez bien là puisque la ligne anti-relou va débarquer aussi d'ici quelques instants et on fera un tour du côté de l'infotrafic avec Julie. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. 7h47 sur Fun Radio, on fait un tour du côté du trafic maintenant avec Julie. Tout d'abord un flash sur le 42 hauteur de Bernissard en direction de Mons. C'est Thomas, un auditeur, qui nous le signale. Et puis il y a un accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Wemel en direction de Halle. La deuxième et troisième bandes sont obstruées. Il y a forcément des grosses files à cet endroit. Forcément, donc soyez prudents et comme je le dis, comme Thomas là, si vous êtes témoin d'un problème, d'un flash, d'un accident, d'un bouchon, signalez-le nous. Voilà, au 3044 par SMS, c'est 50 centimes le message, ou par mail, ça marche aussi si vous avez un smartphone et c'est gratuit. MIKL@funradio.be. Avicii, ça arrive dans un instant avec Levels sur Fun Radio, mais avant cela, évidemment. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Exactement, et tous les matins, ça se passe comme ça. 7h-4, 8h-4 et 9h-4. La ligne anti-relou sur Fun Radio, le numéro qu'il faut connaître par cœur, surtout les filles. 0-473-86-00-13. Et il faut que ce numéro soit connu dans toute la Belgique. C'est aussi simple que ça. Du coup, vous le donnez à un relou les filles hein, qui vous prend la tête en soirée par exemple, et puis bah du coup lui il sera content, il ne va plus vous prendre la tête car il aura votre numéro de téléphone, du moins il pensera que c'est votre numéro de téléphone, sauf qu'en vrai bah c'est le nôtre, et donc du coup bah tous les messages qu'il laisse, bah on les écoute et on vous les diffuse, comme ça tout le monde peut en profiter. Et à 7h48 on écoute le premier. Ouais tout, c'est encore Fabrice. Ben là j'attends toujours tes nouvelles, je comprends pas ce qui se passe. Là je suis au café, je t'attends, toujours rien. Bah tant pis, je continue à boire tout seul. Je suppose que tu veux plus de moi. Bah voilà. Bah tant pis, c'était Fabrice. Allez, ciao. Allez, ciao. Et voilà. Oh, bah ce qui est bien, c'est que bah tant pis, je vais continuer à boire tout seul. Ah voilà. Ouais, bah écoute. Ouais. Je vais boire pour oublier. Bah ouais, exactement, bah, il va noyer son chagrin. C'est ça. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Du coup, c'est Manu. Bon, ça fait moi si ça allait. Bon, écoute, j'essaie de me contacter. Ouais. Et bah voilà, hein. Essaye de me recontacter. Salut, c'est Manu. Pourtant, ça avait l'air d'être plutôt. Il avait pas l'air. Sympathique, cordial, gentil. Non, mais il avait pas l'air chiant, dans la Bah écoute, le truc, c'est que le relou, parfois. Bah, tu vois, il laisse des messages, on se dit, oh le pauvre, et tout ça, je me le dis moi-même. En ouais, fait, voilà, quand Julie, je me rappelle pas les relous. Faut savoir que parfois, elle appelle des relous aux antennes après pour dire, bon, écoute, je suis vraiment désolé. Attends, je vais te laisser dans vos rêves, les gars. Ça, c'est dans vos rêves. Allez, troisième message maintenant, laissé sur les lignes anti-relous. Écoutez bien, dans le. Oh, c'est le caviar, je pense, de celui-là, le Détroit. Ah oui, non, c'est le meilleur. Bah écoutez bien. Alors, voilà. Oui, Julie, c'est Mickaël. Je te téléphonais parce que tu as mis sur mes tics, comme on parle souvent. Je voulais que je mette ma menstruation, donc je l'ai mesurée tantôt, en érection, bien sûr. Oh, elle fait 22 cm sur 60. sur 6 cm de diamètre. Alors, elle est peut-être pas trop grande, peut-être pas trop grosse, mais c'est tout ce que j'ai. J'espère qu'elle ne se fait pas plaisir. Mais après, il faut qu'on se voit une fois. Quoi. Allez, bisous, hein. Allez. J'aime bien le. Il faudrait qu'on se voie une fois. Ah non, il faudrait aussi que tu prennes ton bécherel et que tu apprennes à parler. Mais oui, c'est ça, faudrait qu'on se voie. Le problème, c'est qu'il a appris avec les ch'tis à Ibiza, donc forcément. Ah bah ouais, alors forcément, ça aide pas. Le retour de la ligne anti-relou, ce sera tout à l'heure à 9h moins quart, donc soyez bien là, évidemment. Et puis la petite devinette qui colle maintenant, attention, et je rappelle qu'il y a toujours un écran plat LCD DVD, c'est-à-dire que vous avez un DVD, un lecteur DVD incorporé, ce qui est plutôt pratique, à gagner. Donc si vous avez la réponse à l'énigme qui colle, il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elle se sépare. Chaque personne en a deux au niveau du visage et quelqu'un a quand même réussi à répondre les dents. Car oui, tout le monde a deux dents. Au minimum. Ah, minimum, deux dents chacun, c'est vrai. Les joues, non, c'est vrai qu'on en a deux, mais c'est pas ça. Les cordes vocales, Julien Deliège, c'est pas ça non plus. Les dents, encore une fois, ce n'est toujours pas ça, bien entendu. Moi, je pensais qu'avec mon indice, tout le monde allait trouver. Hein. Ouais, ouais, bah écoute, il y en a beaucoup qui ont trouvé, mais pas encore tout le monde. Donc, bah, si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS avec la réponse. Et puis nous, on vous rappelle juste après, il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elle se sépare. Qui sommes-nous? Elle nous aide également à prononcer des mots. Oui, là, ça va, là, tu... Regardez, tu là, là, je les utilise là. Et là, je vais pas avoir on comprend pas ce que tu dis. Tu veux dire que pour l'instant, tu ne les bouges pas, c'est ça? Oui, et je les utilisais pas. Ah, voilà, ça va, d'accord. Et vous voyez, du coup, sans elle, on a du mal à parler quand même. Hein. Voilà, les 63-22, si vous avez la bonne réponse, 1 euro par message, bonne chance. Et à 7h51, on écoute Avicii, Level sur Fun. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Le son d'Avicii à l'instant, Levels sur Fun Radio, il est 7h55 et on va remercier nos amis liégeois de nous avoir apporté le petit déjeuner. Oui. Ça y est, je vais encore prendre 5 kilos, merci. Oh mais non, ça va aller, t'inquiète, tout va bien. Mais tu seras toujours la plus belle, Julie. Oh merci, Dieter, qu'est-ce qui se passe ce matin? Bah, je crois qu'il en manque là. Oh, ouais. J'ai l'impression que là, il est vraiment en manque. Il est en chien. Il est capable de tout. C'est ça. Et donc c'est Olivia qui est venue nous apporter le petit déj et... Arnaud, oui, voilà, c'est ça, qui m'avait envoyé un petit message sur le Facebook. T'as remarqué que j'ai rien fait, elle s'est mise à côté de moi. Ouais. J'ai rien, tu vois, c'est qui? C'est ta meuf, ta sœur? Ma copine. Ah bah, donc elle va être contente, bien. Ça, non, c'est non, bon, je dis ça, je dis rien. Ouais, mais t'as remarqué qu'on a rien dit, mais il s'est mis à côté de Julie aussi, hein, tu vois. C'est quand même, alors que moi, personne, tu vois. Si vous voulez, j'ai des entrées au Minoy après. C'est okay. Ça, ouais, c'est ça. Bon, 7h56, Tof, donc tu as donc fait la fête et donc. Oui, je crois que j'ai bu. Ouais, ouais. Et donc maintenant, donc t'espères trouver une pharmacie qui va t'aider pour que tu puisses aller te travailler ce matin, quoi. Bah oui, parce que je sais pas ce qui se passe, mais ça tourne dans ma tête. J'ai envie de. Ouais, mais il fallait pas boire autant, hein. C'est ça le problème. Mais, hein. Je voulais pas. C'est mon verre qui se vidait jamais. Ah oui, miraculeux, quoi. Bon, bah, oui. Allez, c'est parti. On y va. On appelle une pharmacie maintenant pour que t'essayes de de trouver une solution à ton problème, en fait. Hein. Pour les remercier, on va à Liège. Ah bah très bien, parfait. Voir s'ils seront agréables à Liège, n'est pas sûr. Pharmacie de SB, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie? Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je crois que j'ai un peu trop fait la fête ce week-end. Oui. Et en fait, là, il faut que j'aille au travail. D'accord. Et je voulais savoir si vous avez quelque chose pour que ça arrête de tourner dans ma tête. Non, pas trop, désolé. Ah bon? Ah ben non. Mais comment je vais faire avec mon patron? Vous allez rester au lit, vous n'allez pas travailler si ça tombe de trop. Ah ben non, mais je peux pas. Alors vous allez dans cet état-là, mais là je ne peux. Ah oui, mais vous. Rien faire. Non. Ah, vous avez pas quelque chose? Non. Peut-être. Non. Ça n'existe pas encore. Ah mais même. Faut laisser agir et laisser que ça et attendre que ça. Ah, mais je peux pas arriver comme ça, mon patron, il va. Mais oui, mais il fallait prévoir avant alors. Fallait pas boire. C'est ce que j'ai fait. Je ne sais rien faire pour vous, désolé. C'est ce que j'ai fait. J'ai bu pour oublier. Et j'ai oublié que j'allais travailler. Mais maintenant, il faut aller travailler. Ben oui, ben là. Oui. Malheureusement, il n'y a rien. Il n'y a pas encore de produit miracle. Ah bon? Mais non. Peut-être au moins de l'aspirine. Oh, ça fera pas grand-chose. Vous pouvez prendre un Afalgan pour le mal de crâne, mais c'est pas ça qui fera que vous allez avoir l'air moins sous. Ah bon? Parce que vous trouvez que j'ai l'air sous? Bah, je ne sais pas, c'est comme ça que vous parlez d'habitude. Bah, je crois. Alors, vous n'avez pas l'air soulevant. Ah bon. Donc, je peux aller au travail. Je ne vous connais pas suffisamment, donc je ne sais pas dire si vous êtes dans votre état normal ou pas. D'accord, mais peut-être on peut se rencontrer. Mais non, là, ça va être difficile. Ah bon, bon d'accord. Mais bon, si vous dites que ça a l'air normal, je peux peut-être aller travailler comme ça. Oui, peut-être, oui. Allez, toujours. À mon avis, le temps d'arriver au travail, vous serez déjà dans un meilleur état. Bon, ben d'accord. Ne prenez pas la voiture. Ah bon, je ne peux pas prendre la voiture. Comment je vais aller au travail? Ah ben ça, j'en sais rien. Ah bah oui, mais enfin bon, moi j'appelle pour que vous m'aidiez, vous m'enfoncez. Qu'elle vienne te chercher, toi. Ah bah oui. Prenez le bus alors. Ah, sinon bah, vous n'allez pas conduire si vous êtes dans un état d'ébriété. Bah je sais pas, vous m'aviez dit que ça allait. Ah je ne sais pas, j'ai dit que je ne vous connaissais pas suffisamment pour dire si vous êtes dans votre état normal ou pas. Bah, d'accord. Elle m'avait dit avant que vous aviez bu. Oui, mais j'ai bu hier, enfin cette nuit, enfin tout à l'heure, enfin il n'y a pas longtemps. Ben voilà. Oui. Il n'y a pas longtemps. Bah, vous venez me chercher et vous me déposez au travail. Ah oui, ça va être difficile aussi. Ah bon enfin, je croyais que vous alliez m'aider, moi. Ah ben oui, non. Bon, bah écoutez, tant pis alors. Tant pis. Bah oui. Voilà. Je suis vraiment déçu. Ah ben oui, moi. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi. Et santé. Au revoir. Hein. Oui. Oui, et santé. Hein. Voilà, ça va. Pour l'instant, personne ne t'aura cranchonné, c'est pas mais mal. Mais non, super calme, super poli, moi je suis ultra étonné. Les gens restent calmes et polis, je suis assez étonné également d'ailleurs. Alors qu'à cette heure-ci, à mon avis, ils terminent, quoique 8h, ils terminent peut-être leur nuit. Quoi. Leur nuit, ou ils démarrent leur journée, faut voir, ils sont peut-être encore en forme. Bon allez, l'énigme qui colle, dans un petit instant, il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elle se sépare. Qui sommes-nous? Écran plat à gagner, LED, DVD, le tout incorporé au 63-22. La gente está muy loca. Et dans un instant, autre son préféré de Julie. Noël, elle bouge la tête, elle fait Arrenda est amo loca. Je veux vraiment pas What dire que the fuck pense. Et ça va arriver dans un instant sur Fun. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Et 8h02 sur Fun Radio, soyez les bienvenus si vous arrivez. Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Les infos tout de suite avec la bouche pleine de croissants, Julie. Salut à tous. La cour d'assises du Hainaut entame ce matin le procès dit des empoisonneuses des collines. Je vous avais dit, hein. Bah, écoute, voilà, j'ai un peu du mal. Ça, c'est les croissants. Hein. Oui, voilà, les croissants d'Arnaud. Trois femmes y seront jugées pour avoir assassiné un couple de septuagénaires à Anvin dans le Hainaut afin de les voler. L'une d'entre elles avait l'habitude de se rendre chez le couple qui, touché par la précarité, lui avait donné de l'argent, mais un jour elles se sont rendues à trois chez leurs victimes avec un gâteau contenant des substances toxiques dans le but de les endormir et de les dérober. Seul l'homme se serait endormi, le couple avait été retrouvé le lendemain étranglé. Un homme porte plainte après avoir été contaminé au VIH, le virus du sida. L'homme originaire d'Asselt avait eu une relation avec un homme qui était séropositif depuis 6 mois et qui n'avait rien dit. L'enquête doit déterminer s'il y a d'autres victimes. En Belgique, il est rare qu'une plainte pour contamination volontaire au virus du VIH soit déposée. Il existe toutefois des précédents. Le tribunal correctionnel de Huy a notamment jugé et condamné cette année un homme d'origine angolaise qui avait contaminé consciemment son épouse. Les négociateurs se sont quittés aux environs de 4h du matin après 18 heures de discussion. Ils se retrouveront aujourd'hui vers 13h, toujours pour discuter du fameux dossier BHV et de la loi de financement. Et si les 8 présidents de parti et le formateur se sont quittés sans un commentaire, la porte-parole d'Elio Di Rupo a simplement déclaré que les discussions ont beaucoup avancé. Mais ce week-end, ce sont plutôt ceux qui ne négocient pas qui ont fait parler d'eux. À la note, Di Rupo, nous disons aujourd'hui encore plus clairement qu'hier, non. Ce sont les mots de Bart De Wever, président de la NVA, à l'occasion des 10 ans de son parti. Les nationalistes flamands se sont rassemblés hier pour leur 10e anniversaire. Près de 5000 personnes s'étaient donc rassemblées dans le domaine Bokrek. Alors qu'Olivier Minguin, président du FDF, a rappelé tout le mal qu'il pensait de la note du formateur et de ses propositions pour la réforme du pays. Les bourses asiatiques ont ouvert en baisse ce matin et l'euro est au plus bas en 10 ans face au yen, plombé par la crainte d'un défaut de paiement de la Grèce. Enfin en sport, football pour la 6e journée du championnat. Dimanche, Malines s'est incliné devant Bruges 1-2, Anderlecht a battu Courtrai 2-0 et Zulte s'est incliné face à la Gantoise 1-3. 8h04 sur Fun Radio, la météo maintenant. Après une matinée grise avec il un y aura peu plein de, soleil. De pluie, eh bien non, mais en tout cas le temps normalement sera sec cet après-midi. Côté thermomètre, il fera assez doux, jusqu'à 22 degrés demain. Le ciel restera couvert et jusqu'à 18 degrés. Et dans 30 secondes, restez bien là puisqu'il y aura l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Et à 8h05 sur Fun Radio, c'est l'heure de se faire l'info en plus. Eh bien, comment mettre en émoi le ciel new-yorkais un 11 septembre ? Eh ben... C'est... Oui ? Ben non, mais... Pas difficile, eh bien c'est en s'enfermant dans les toilettes d'un avion pour une petite séance de galipette. Alors je vous explique, hier, donc le 11 septembre, évidemment on ne plaisantait pas avec la sécurité américaine et on ne s'enferme pas dans les toilettes d'un avion. Ils ont jamais vraiment avec la sécurité là-bas. Déjà premièrement, ça c'est sûr, mais trois passagers ont pourtant commis cette imprudence, provoquant la panique à bord de leur avion et au sol. Ces trois passagers se comportaient étrangement, se rendant sans cesse aux toilettes. Donc le pilote a commencé à se dire qu'il y avait un petit problème. Ça a mis le doute, il a contacté les services d'urgence craignant une attaque terroriste. L'US Army a donc envoyé deux F-16 pour escorter l'avion jusqu'à son atterrissage à Détroit. À leur arrivée, les trois passagers ont été forcément emmenés au poste de police. Tout ça pour expliquer qu'ils avaient juste envie de faire quelques galipettes. Ben oui, voilà. Ben c'est ça le sexe. Il n'y a pas de jour férié pour le sexe. Ben oui, mais bon, tu ne peux pas t'attendre. Ben oui, mais c'est ça. 8h06 sur Fun Radio. La réponse à la devinette qui colle dans quelques instants. Donc restez bien là. Ça va arriver. On aura aussi la petite question qui colle. Et nous allons vous rembourser vos factures dans 4 minutes. Si vous voulez vous inscrire, je vous rappelle qu'à 7h10, ça n'a pas décroché, ce qui veut dire que vous avez toutes vos chances maintenant, puisque je ne sélectionnerai que ceux qui se sont inscrits entre 7h10 et 8h10. Donc allez-y, 63,22, c'est 1€ par message. Débutez votre message tout simplement par facture, avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture, comme par exemple une facture de 140€ qui est arrivée à l'instant, 255€ pour le précompte immobilier, 137€ pour Proximus, prêt hypothécaire 420€, 140€ pour les places d'un spectacle, 150€ pour l'abonnement du sport pour les enfants, 125€ pour le restaurant, qu'est-ce qu'il y a, 318€ pour la contribution automobile. Donc voilà, 63,22, vous avez toutes vos chances maintenant. Bonne chance, le temps d'écouter Sac Noël avec Lock Up People. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. What the fuck? Le son de Sac Noël à l'instant, what the fuck, c'était Lock Up People sur Fun Radio. Et dans un instant, ne bougez pas, puisque dans un instant, il y aura ça. Et ça, ça fait plaisir. Mon son préféré, Niro, dans quelques instants. Avec ça va vous réveiller, ça. Hein, ça va vous sortir du lit, bande de feignasses. Ça va vous sortir du lit, ça, hein. Non, je sens qu'il y en a qui sont derrière leur radio, là, en train de pioncer encore, là. Et je trouve que ce n'est pas bien. Non, c'est mal. C'est très mal. De dormir si tard, c'est très mal. C'est très mal. 8h11, oui. Oulala, oulala, 8h11, c'est très mal. Bon, avant de payer vos factures, on va donner la réponse à la devinette qui colle. Nous avons qui pour la réponse à la devinette qui colle? Sébastien, il me semble. Sébastien, bonjour Sébastien. Non, c'est Mike. Ah, c'est Mike, c'est presque, Mike, c'est pareil, hein, Sébastien, hein. Mike, oh là là. Ouais, Mike. C'est presque le même. Bah ouais, ah oui, on va pas chipoter. Comment va l'équipe? Bah, Sébastien, on a belle... avant. Écoute, l'équipe va bien depuis que Arnaud et Olivia nous ont rapporté le petit-déj. C'est-à-dire qu'ils ont nourri. Nous... entendu ça. Alors, soit ils nous ont pris pour des gros porcs, puisqu'ils ont quand même ramené 30. Attends, c'est quoi, 25 pains, donc pain au chocolat, croissant. Faut la journée, hein. Voilà. Soit ils ont. Vous avez un prix? Ouais, ils avaient peut-être un prix aussi, c'est possible en tout cas. Ou les deux, oui, ça aussi, c'est possible. Bon, Mike, t'es dans quelle ville? La Louvière. La Louvière, très bien. Pour écouter Fun Radio à la Louvière, pardon, c'est 107.3. Et tu as la réponse à la devinette qui colle. Je te la rappelle au cas où. Attention, la devinette qui colle, écoute-la bien. Il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elle se sépare. Qui sommes-nous? Les lèvres. Mais oui, les lèvres, évidemment. Oh. Mais rien de plus simple. Eh bien, grâce aux lèvres, tu repars avec une télé LED DVD écran plat, donc, où tu vas pouvoir avoir le DVD en même temps. Tu vas voir, ça va être déchiré. En tout cas, c'est pratique pour la chambre ou pour la cuisine, par exemple, hein, quand on n'a pas trop de place. Bon, bah, bravo à toi, Mike. Passe une bonne journée à la Louvière. Merci, bonne journée à vous. Je t'en prie, merci à toi. Merci, c'est cool, à bientôt, ciao à toi, bye bye. Bon, et ben voilà une bonne chose de faite. Et puis on va enchaîner maintenant avec les factures. Ça aussi c'est une bonne chose. Bon, pas pour le boss, mais pour nous, oui, c'est parti. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et c'est tous les matins que ça se passe comme ça, 7h10, 8h10 et 9h10. Trois fois par émission, on vous appelle pour tenter de vous rembourser vos factures. Vous êtes nombreux à vous être inscrits au 63,22 en débutant par facture. Si quelqu'un décroche maintenant et qu'il devine que c'est Fun Radio, c'est gagné. Pas deux fois quand même, hein. Tout à l'heure c'était déjà le répondeur, on va pas remettre le couvert quand même. Ah non. Non. Eh oui, les gens ne veulent pas être remboursés. Bah, ils s'en foutent de leur facture. L'argent n'a pas d'importance pour eux. Salut, c'est qui? Quoi? On n'a rien compris. Ah, je ne sais pas, moi. Bon, bah, bonjour. J'ai pas compris ton prénom, malheureusement, dans le répondeur. Je suis confus, hein. Mais bon, bah, tant pis, hein. Salut, c'est Mickaël. T'étais sur Fun Radio. On t'appelait pour te rembourser ta facture. Mais malheureusement, tu ne décroches pas. Et c'est mal. Donc, bah, désolé. C'était combien, t'as fait la facture? 40,20 €. Ah, et c'est con, hein. C'est dommage, hein. Lundi, ça aurait fait du bien quand même. Ça te prie, quand même. Bah, ouais. Bon, bah, tant pis. Et bah, c'est pas grave. Tu retenteras ta chance quand tu veux, en tout cas. Et puis, bah. Bienvenue sur Fun, hein. En tout cas à ton répondeur. Et puis pour les autres, alors deux choses. Déjà, sachez que du coup, bah, comme ça n'a pas décroché, vous connaissez la règle. On ne rappellera que ceux qui s'inscrivent entre 8h10 et 9h10. Mais surtout, si jamais on vous appelle et que vous voyez un numéro privé, décrochez, c'est nous. Ok. Ah bon? Non, parce qu'il y en a peut-être qui se disent, oh là là, ça doit être mon boss parce que je suis en retard, je décroche pas. Bah ouais, bah tu vois, on aura pu te rembourser de l'oseille là. Bon, 63-22, débutez le message par facture. Bonne chance tout le monde. Vous mettez le montant de la facture et l'objet de la facture. Et là, c'est parti. Mon son préféré maintenant avec Niro à 8h14. Niro et Promises. Le son de Niro à l'instant, Promises sur Fun Radio. Énormissime son à 8h18. Je vous appelle. J'allais dire rappel, mais en fait je l'ai pas encore dit, donc au final je vous l'annonce. Petite question qui colle. Qu'a demandé un client mécontent à une prostituée après sa passe? Facile. Ouais, bah ça dépend après. Hein. Trop facile. Donc voilà, qu'a demandé un client mécontent à une prostituée après sa passe? Il a cru qu'il y avait un SAV. Oui. Oui, il a cru qu'il avait un service après-vente, le monsieur. Donc voilà, si vous avez la bonne réponse, il y a des cadeaux, bien sûr. 63,22, c'est 1 € par message. Bonne chance, tout le monde. Et accueillons maintenant notre ami Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Bon, est-ce que Doudou est prêt pour l'horoscope, là? Ah oui, je suis là. Mais avant, je voulais vous demander. Oui. Oui, vous avez gagné un euro million? Non, mais c'est pour gagner plus, là. Exactement, demain, 159 millions d'euros à gagner avec les auditeurs de Fun. Ah oui, c'est bien ce que je me disais, qu'il y avait une raison. Ouais, c'est ça. Non, mais je le sens bien cette semaine, hein. Demain, c'est bon, hein. Ah oui, c'est marrant parce que je ne vois pas du tout dans votre chouette-thème, hein. Je vois pas de mon jouet d'âge. Ouais, bah dites-le, Bélier, pour voir. Ah, Bélier, restez calme, il y a des jours comme celui-ci et il faut faire avec. Ouais, bah je jouerai demain. Les taureaux. Aujourd'hui, il y a de l'amour dans l'air, mais soyez vigilants, les couples qui se forment aujourd'hui n'ont pas beaucoup de chances de durer. Mais c'est pas quoi, vous allez prendre du plaisir. Bah oui, mais c'est ça, c'est le principal. Les Gémeaux. Oui. Même si tout va bien dans votre vie privée, vous avez encore négligé votre partenaire, ça ne va pas du tout. Très bien, les cancers. Faites la différence entre vos peurs et la réalité. Les lions. Vous êtes à envier, vous êtes en pleine forme et vous pourriez déplacer des montagnes. Les vierges. Alors, les vierges, aujourd'hui, vous vous sentez bien et en plus, vous le remarquez même pas. Oui, c'est quand même pas con, c'est dommage. Ah oui, ça sert à rien. Mais oui. Les balances. Aujourd'hui, vous avez de bonnes chances en amour, profitez-en. Les scorpions. Ne soyez pas si dépensiers, agissez avec modération. Les sagittaires. Dépensez votre toit plein d'énergie au sport, cela augmentera votre bien-être et l'effet secondaire, c'est que vous perdrez des kilos. Très bien, les capricornes. Ne vous rendez pas malade à cause du stress au travail. Les Verseaux. Votre réussite pourrait vous rendre arrogant. Et enfin, les poissons. En ce moment, vous ne connaissez pas le grand amour. Mais c'est pas grave, ça va arriver, alors perdez pas courage. Ben voilà, allez Doudou, à tout à l'heure dans une heure. Ben et oui. Pas la peine d'essayer de partir, il y a encore un horoscope à 9h10. Pas de problème, je n'ai rien d'autre à faire aujourd'hui, c'est lundi, tout le monde y dort. Bon ben alors très bien, 8h20 sur Fun Radio. Soyez les bienvenus si vous arrivez, dans 10 minutes ce sera l'info avec Julie. On vous fera également une petite déclaration express. Si vous voulez vous aussi faire une déclaration express à votre copain, votre copine, votre futur copain ou future copine, eh bien vous pouvez vous inscrire au 3044, débuter le message par déclaration. Ça va arriver dans 5 minutes. Et puis on va se mettre le son de Gwen Stefani maintenant avec What You Waiting For maintenant sur Fun Radio. 8h20, bon réveil tout le monde. Oh, c'est le genre de morceau au réveil, je pense que tu peux taper le réveil. C'est quoi, ça fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tu dis c'est bon, ça va, je vais me lever mal, là. Hein, ils vont pas tous m'emmerder quand même. 8h24 sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Je vous rappelle la petite question qui colle pour repartir avec les cadeaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'a demandé un client mécontent à une prostituée après sa passe? Il a cru qu'il avait un SAV, il s'est cru chez Carrefour. Et en fait, Service après-vente. Hein, voilà, il a cru qu'il avait un service après-vente, mais ça n'a pas bien marché. Bon, nous avons Jason avec nous maintenant pour la petite déclaration. Ah bon? Pas du tout, Jason a eu peur, Jason s'est dépiné. Oh bah tant pis, Jason fait peut-être dodo. Bah c'est pas grave, on va appeler sa copine directement. On devait appeler sa copine qui s'appelle comment du coup? Qui s'appelle Noémie. Noémie, on va appeler Noémie alors pour lui faire cette petite déclaration express de Jason. Et c'est pourquoi? Parce qu'il voulait conclure en fait, ou il c'est en fait c'est une fille qui est, c'est dans sa, c'est une fille qui est dans sa classe en fait, tu vois, et elle sort avec un autre mec de sa classe. C'était pour lui demander de changer d'avis. D'accord. Lui, quoi. Non, bah, tant pis, on va le faire en live. Hein. Allô Noémie, bonjour, c'est Mickaël. T'étais en direct sur Fun Radio. On t'appelait de la part de Jason. Et bon, bah voilà, il voulait te dire quelque chose en particulier. Écoute bien, c'est que pour toi, Noémie. Oui, l'homme est un peu malade également. Hein, donc, ça va être bon. Pardonnez-le pour des petits problèmes. T'es rencontré dans ma classe, t'étais à côté d'Ilias, celui qui a tout le temps la chiasse et qui tire jamais la chasse. J'ai voulu prendre sa place, direct tu m'as dit tu te casses, parce que j'avais pas sa classe. T'aimes les mecs qui laissent des traces, ça m'a vraiment fait chier. Alors moi pour me venger, quand tu étais retourné, dans tes cheveux j'ai craché. Du coup quand il s'est pointé, il a dû te les essuyer, parce que ce con est à tes pieds, tout ça parce qu'il peut te toucher. Pourquoi tu ne veux pas ma banane? Oh baby, en plus tu sais qu'elle est pas mal. S'il te plaît, écoute-moi baby, viens tu pourras la manger. Dans le bus ou en récré, s'il te plaît, prends la bébé, tu kifferas ma banane. Voilà Noémie, petite déclaration express de ce matin. Bah, j'espère que ça t'aura plu. Puis bah n'hésitez pas, Jason ou Noémie, à nous tenir au courant. Un petit mail fait toujours plaisir, comme ça on suit un on peu suit le truc, on évolue. Près. Et si voilà. Quelqu'un peut m'envoyer des strepsils, c'est lob@funradio.fr. Strepsils. L-O-E-B bien sûr. Bon bah gros bisous à tous les deux. Alors si vous êtes derrière la radio, on sait jamais. Voilà, comme ça c'est plié. 8h26 sur Fun, on va donner la réponse à la petite question qui colle. Là tout de suite. Oh, bah j'aurais bien fait ça là maintenant, mais on peut faire ça dans 2 minutes. Eh bah on fait ça dans 2 minutes. Voilà, sauf n'est pas prêt. Dans 1 minute 30, alors question qui colle, donc qu'a demandé un client mécontent à une prostituée après sa passe. Voilà, c'était aux Pays-Bas. Dans un instant. C'est Luna qui va arriver, il y aura les infos aussi de Julie. D'ailleurs, si Julie pouvait faire les infos comme Luna danse dans le clip, ça peut être pas mal. Mickaël à la radio, tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Il est 8h29 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est l'info qui va débarquer avec Julie. Mais avant ça, nous avons... Comment il s'appelle encore? Parce que là, pour le coup, c'est pas que j'ai oublié. Dire, mais... dire, bonjour, comment tu t'appelles? Allô. Oui, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Turabi. Turabi. Oui. Turabi, bah, il n'y a pas de mal, hein, Turabi. Eh bah, pas de soucis, Turabi. T'es dans quelle ville? T'as quel âge? J'ai 40 ans et je suis de Bruxelles. De Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun, donc à Bruxelles. Et alors, attention, Turabi, tu as la réponse à la question qui colle. Qu'a demandé un client mécontent à une prostituée après sa passe? Se faire rembourser. Oui, non, alors c'est-à-dire qu'en fait, ouais. C'est-à-dire que c'est se faire rembourser, mais en fait, c'est vendredi soir, donc c'est un mec de 37 ans qui a décidé d'aller voir une prostituée. Donc la fille lui a demandé 40 euros, qu'il a payé cash, et comme il n'est pas arrivé au bout de son expérience, on va dire ça comme ça, et ben il a demandé le remboursement de la moitié de la somme. Et donc la prostituée a dit que comme elle avait refusé, il aurait sorti un couteau. Et donc la femme a quand même donné un billet de 20 euros sous la porte, et après elle a appelé la police. Le mec s'est fait interpeller, il a nié les faits, et après il a quand même eu 0,84 grammes d'alcool dans le sang après la vérification. Donc oui, il était un petit peu éméché, quoi, hein, légèrement éméché, voilà. Bon, et ben Turabi, bravo à toi, c'est gagné. Merci. Je t'en prie, à bientôt Turabi, ciao. Ouh là là, il faut couper la radio Turabi quand tu passes à l'antenne. Voyons. Dans un instant, Luna arrive avec Vamos a la Playa. Les infos également avec Julie. Et puis la petite devinette qui colle. Alors attention, elle est perchée celle-là. Votre mère utilise celui de votre père et votre tante utilise celui de votre oncle. Une femme mariée en obtient un, mais une femme qui divorce le père. moi je sais. Oui, je me doute. De quoi s'agit-il? Il y a un écran plat LED combi DVD à gagner. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, allez-y, c'est 1€ par message. On donne la réponse dans moins de 20 minutes. Votre mère utilise celui de votre père. Votre tante utilise celui de votre oncle. Une femme mariée en obtient un, mais une femme divorcée, le père. La bonne réponse au 63-22. Et à 8h31, les infos maintenant avec Julie. Salut à tous, la cour d'assises du Hainaut entame ce matin le procès dit des empoisonneuses des collines. Trois femmes y seront jugées pour avoir assassiné un couple de septuagénaires à Anvin dans le Hainaut afin de les voler. L'une d'entre elles avait l'habitude de se rendre chez ce couple qui, touché par la précarité, lui avait donné de l'argent. Mais un jour, elles se sont rendues à Troyes chez leur victime avec un gâteau contenant des substances toxiques dans le but de les endormir et de dérober leurs économies. Seul l'homme se serait alors endormi. Le couple avait été retrouvé le lendemain étranglé. Un homme porte plainte pour avoir été contaminé au VIH, le virus du sida. L'homme originaire d'Asseld avait eu une relation avec un homme qui était séropositif depuis 6 mois et qui n'a rien dit. L'enquête doit déterminer s'il y a d'autres victimes. En Belgique, il est rare qu'une plainte pour contamination volontaire au virus du VIH soit déposée. Il existe toutefois des précédents. Le tribunal correctionnel de Wii a notamment jugé et condamné cette année un homme d'origine angolaise qui avait contaminé consciemment son épouse. Les négociateurs se sont quittés aux environs de 4 heures du matin après 18 heures de discussion. Ils se retrouveront aujourd'hui vers 13 heures, toujours pour discuter du fameux dossier BHV et de la loi de financement. Et si les Wii présidents de parti et le formateur se sont quittés sans un commentaire, la porte-parole d'Elio Di Rupo a simplement déclaré que les discussions ont beaucoup avancé. Mais ce week-end, ce sont plutôt ceux qui ne négocient pas qui ont fait parler d'eux. À la note Di Rupo, nous disons aujourd'hui encore plus clairement qu'hier, non. Ce sont les mots de Bart De Wever, président de la NVA à l'occasion des 10 ans de son parti, alors qu'Olivier Minguin, président du FDF, a rappelé tout le mal qu'il pensait de la note du formateur et de ses propositions pour la réforme du pays. Et les bourses asiatiques ont ouvert en baisse ce matin et l'euro est au plus bas en 10 ans face au yen, plombé par la crainte d'un défaut de paiement de la Grèce. Enfin, en sport, football pour la 6e journée du championnat. Hier, Malines s'est incliné devant Bruges 1-2. Anderlecht a battu Courtrai 2-0. Et Zulte Waregem s'est incliné face à la Gantoise 1-3. Et restez là dans un instant. Bonne nouvelle pour les fans de David Guetta ou pour les fans de cadeaux, tout simplement. On va jouer avec David Guetta pour gagner pas mal de cadeaux. Restez bien là. 8h33, la météo. Après une matinée grise avec le risque d'un peu de pluie, le temps devrait redevenir sec cet après-midi. Côté thermomètre, il fera assez doux jusqu'à 22 degrés. Demain, le ciel restera couvert et jusqu'à 18 degrés. Et à 8h34, on fait un tour maintenant du côté Fun Radio. Du côté de l'info en plus. Le mariage via Skype, c'est maintenant possible, en tout cas à Gand. Donc ça, c'est chez nous, en Flandre. Donc Gand facilite la retransmission des cérémonies de mariage à l'hôtel de ville via Skype. Donc non, celles-ci pourront être suivies depuis de l'étranger. Ouais, ce qui est bien, c'est que tu vas plus te déplacer, plus de cadeaux de mariage, etc., etc. C'est pas mal. Mm-hmm. D'après justement l'échevine de Gand, mais pour elle, il y a moins de mariages à l'église, mais le mariage civil peut donc devenir plus personnel. Alors, en même temps, j'y ai pensé. Hein. Oui. C'est vrai que t'économises au niveau du cadeau de mariage, mais à côté de ça, bah tu profites pas du repas, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal à boire, pas mal à manger dans les repas de mariage. Hein. Mais c'est souvent dégueulasse. Hein. Oh, ça dépend. J'ai déjà assisté à quelques-uns, c'était plutôt bon. Ouais, hein. Ouais, mais Julie a une grande expérience là-dedans. Ouais, c'est vrai que c'est une experte. C'est vrai qu'elle en a un tous les week-ends. J'ai fait 3 mariages. C'est vrai, j'avoue. D'autres. Effectivement, c'était bon. C'est ma faute. Bon, 63-22, débutez le message par Star. Si vous voulez avoir une chance de repartir avec les cadeaux de David Guetta, il y a des smartphones Xperia de Sony Ericsson à gagner. L'album, le nouvel album de David Guetta, c'est Nothing But The Beat, ou encore des places pour aller direction la soirée VIP donc de David Guetta. Ça se passera à Liège très prochainement. Et puis pour ceux qui seront tirés au sort, il y aura aussi la possibilité de partir à Ibiza tout frais payé, City Trip Live, avec la rencontre de David Guetta, les passes pour la boîte, le logement bien évidemment et le transport. Donc si vous voulez vous inscrire, 63-22, débutez le message par Star. On vous appelle d'ici 10 minutes. Puis au niveau du son, c'est Luna qu'on écoute maintenant. Vamos à la playa sur Fun. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Vamos à la playa. Le son. son de Luna à l'instant, c'était Vamos a la Playa sur Fun Radio. Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver. C'est Mickaël à la radio. On est ensemble jusqu'à 9h30 comme chaque matin et avec plaisir. Et à 8h38, nous allons jouer maintenant au jeu David Guetta. Et il y a qui pour jouer avec nous? Bonjour. Nous avons Marine, 19 ans de Bruxelles. Salut Marine de Bruxelles, comment ça va? Salut, ça va. Bon, pleine forme? Oui. Bon, tu vas pas à l'école là aujourd'hui ou travailler? Je vais à un cours préparatoire juste après. Ah bon, ça va, alors on est tranquille, tout va bien. Bon, et beaucoup de gens de Bruxelles ce matin, 104.7 là, c'est pas mal. Hein, oui, c'est ça, ils ont décidé de se remettre au travail. Oui, c'est pour vont-ils ça. Détrôner Charleroi ou Fun Radio est numéro 1 là-bas? On verra, ce serait pas mal. Bon, Marine, alors, tu vas peut-être repartir d'ici quelques instants avec soit l'album, le nouvel album de David Guetta, Nothing But The Beat, soit un smartphone Xperia de Sony Ericsson, soit deux places pour aller en VIP à la soirée à Liège avec David Guetta pour le rencontrer, ça va être cool. Et quoi qu'il arrive, tu seras sélectionné, peut-être tiré au sort vendredi, pour repartir avec deux billets direction Ibiza pour un week-end, un long week-end spécial avec David Guetta. On te paiera l'hôtel, le transport, les entrées pour les boîtes, qui coûtent bien cher là-bas aussi d'ailleurs. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle. T'es une sorteuse toi, t'es une fêtarde? Oui, quand même. Oui, mais j'étais encore bourrasse hier soir, hein. Comme Toff, hein, j'ai entendu qu'il avait appelé des pharmacies là. Oui. Moi-même j'étais encore bourré tout à l'heure. T'es sorti ce week-end? Ah oui. Ah bah oui, bah voilà. Donc j'imagine que deux billets pour aller à Ibiza pendant 5 jours, ça peut être la fête. Ça me dirait bien. Ah oui, bah j'imagine. Hein. Bon, on va faire tourner la platine maintenant. Attention, on va voir sur quoi ça va s'arrêter. Si c'est sur l'album, si c'est sur le téléphone ou si c'est sur la soirée à Liège. On y va, attention, écoutons bien, attention, c'est parti. C'est l'album de David Guetta qui part chez toi, Nothing But The Beat, Marine. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la encore meilleure bonne nouvelle, comme je te l'ai dit, c'est que tu es donc sélectionné maintenant pour peut-être un rappel vendredi matin. Ah, ça c'est ça. Ça fait plaisir. Comme ça, direction Ibiza, tu pourras écouter l'album de David Guetta pour te mettre dans le bain. Ouais, c'est chouette. Enfin, dans la piscine plutôt, hein, parce que bon, dans le bain, là-bas, ce sera plutôt la piscine. Ouais. Bon, eh ben écoute, je te fais des gros bisous, Marine, et puis peut-être à vendredi. Oui, ça, allez. Je t'embrasse, à bientôt Marine, ciao à toi. Bon, et puis bah voilà, ça c'est la bonne nouvelle du jour, tiens. Et 8h41 dans un instant, c'est LMFAO qui arrive. Voilà, les LMFAO avec Natalia Kills, Champagne Showers. Et dans un instant, la ligne anti-relou et l'infotrafic sur Fun Radio, restez bien là. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 8h45 et nous faisons un tour du côté du trafic maintenant avec Julie. Qu'est-ce qui se passe sur les routes? Il y a un objet encombrant sur le 411 Bruxelles en direction de Namur à hauteur de Longlier. C'est la bande de gauche qui est obstruée par un pneu. Et puis concernant l'accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Wemel en direction de Halle, la chaussée est à présent libérée mais il y a toujours des fils à cet endroit. Très bien. Bon ben voilà, si vous êtes coincé quelque part sur la route, n'hésitez pas à transmettre l'information bien sûr pour qu'on puisse nous-mêmes aussi la transmettre aux auditeurs de Fun, flash, radar, tout ça. N'hésitez pas à 3044 ou alors sur mikael@funradio.be. Allez, 8h46 maintenant, on enchaîne avec la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Exactement, c'est tous les matins, 7h-, 8h-, et 9h-. La ligne anti-relou sur Fun Radio, c'est le numéro que toute la Belgique doit connaître par cœur, surtout les filles. C'est le numéro à donner à tous les relous de Belgique quand vous êtes en soirée, par exemple, ou comme Julie, quand elle est à un mariage chaque week-end et qu'il y a un mais relou qui arrive. Je suis toujours accompagnée de mon chéri qui me protège de tous les relous. Mais tu sais qu'il y en a, ils en ont rien à foutre. Hein. Tu peux être avec un mec ou pas, le mec il arrive quand même, c'est ça qui est très fort. Ah, je il y a crois des que... mecs qui arrivent quand même, tu vois. Et c'est avec fort. Mon mec, il vaut mieux éviter. Ah bon, quoi, il est du style à s'énerver. Il est plutôt du style très très jaloux. Oh, ah ouais, ça c'est horrible. C'est mignon. Donc il faut pas trop m'approcher. Alors que moi quand ça m'arrive, je m'écarte un petit peu puis je regarde et je me marre. Ah ouais, donc tu laisses ta copine comme ça en plan quoi. Ah non mais t'inquiète pas. Elle la laisse en que... galère, c'est jusqu'à ce qu'elle tape le mec et puis après. Ah non mais il suffit, elle a du répondant, elle répond et puis voilà, après elle se débarrasse. T'es pas un jaloux quoi. Ah non non non non non. Ah non. Ah non. Non, elle est ceinture noire de karaté. Ouais. C'est puis ça, elle fait 150 kilos donc c'est personne à l'approcher. Non. Bon allez, on s'écoute la ligne anti-relou maintenant. Premier message. Ouais, tout, c'est encore Fabrice. Ben, j'attends toujours tes nouvelles, je comprends pas ce qui se passe. Là, je suis au café, je t'attends, toujours rien. Ben, tant pis, je continue à boire tout seul. suppose que tu veux plus de moi. Oh. Bah voilà. Bah tant pis, c'est Fabrice. Allez, oui. Ciao. Voilà, donc il a continué à boire tout seul et c'est dommage. Bah oui, c'est un petit peu triste. Ouais, c'est vraiment ballot. Hein. Enfin, bon, allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin, écoutez. Coucou, c'est Manu. Bon, je t'appelle voir si ça allait. Bon, écoute, essaie de me contacter. Ouais. Voilà. Non, mais achète-toi un téléphone. Oui, déjà, et puis deux tensions, hein, je sais pas t'as remarqué. Ah oui, non, mais ça, oui. Et coucou, c'est, t'as envie de rappeler en plus. Hein. Coucou, ah oui, non, Manu. Mais là, je saute sur mon téléphone pour c'est le rappeler. C'est génial, rappelle-moi si tu veux, c'est génial. Ouais. Allez, et enfin, le dernier message, c'est un petit peu notre caviar du caviar, écoutez. Oui, Julie, c'est Michael. Je te téléphonais parce que tu as mis sur mes tics, comme on parle souvent. Je voulais que je mette ma menstruation, donc je l'ai mesurée tantôt. En érection, bien sûr. Elle fait 22 cm sur 60, sur 6 cm de diamètre. Alors, elle est peut-être pas trop grande, peut-être pas trop grosse, mais c'est tout ce que j'ai. J'espère qu'elle te fera plaisir. Mais j'espère qu'elle te fera plaisir. Allez, bisous. Hein. Salut. Allez, je comprends pourquoi est-ce qu'on lui a donné le numéro de la ligne pour eux. Oui, c'est effectivement étrange. Moi, je comprends pas, il est bien membré comme garçon. Ouais, c'est ça. Bon, et retour de la ligne anti-relou, ce sera demain dès 6h évidemment, et le numéro à retenir, le 0473 86 0013. Et sinon, il y a Olivier qui vient de m'envoyer un mail pour le trafic là. Salut Mickaël, pour vous prévenir qu'on roule au pas sur 20 km sur le ring de Bruxelles entre Wezembeek-Oppem et Jet. Bonne journée. Bah bonne journée, bon courage. Enfin, Olivier. C'est normal. Hein. Ouais, mais enfin, sur 20 km, c'est-à-dire que le mec. Ah oui, non, mais oui, il est parti au travail. Hein. Ouais, c'est, bah, bon courage en tout cas. Hein. Bon, et puis un message qui dégoûtait, j'aurais voulu gagner pour David Guetta. C'est là-dessus que j'ai rencontré mon épouse, c'est Stéphane. Oh, mais t'inquiète pas. Non, mais il peut rejouer. C'est toute la semaine, il y aura encore un jeu tout à l'heure avec Lucas, etc. Ne vous inquiétez pas, ça va durer toute la semaine comme ça. Tout va bien. Bon, dans un instant, c'est Tof qui va encore appeler des pharmacies car il a un petit peu eu du mal à venir au travail ce matin puisqu'il est un peu morporé. Oui, c'est ça, je ne comprends c'est pas. C'est un petit peu ça. Et on va vous répéter l'énigme aussi, l'énigme qui colle là maintenant. Attention, j'ai perdu l'énigme, mais je vais la retrouver de suite. Votre mère, alors écoutez bien, il y a un écran plat à gagner, LED avec un DVD incorporé. Votre mère utilise celui de votre père et votre tante utilise celui de votre oncle. Une femme mariée en obtient un, mais une femme divorcée, le père. Qui suis-je ? La bonne réponse au 63-22, c'est 1€ par message. Donc bonne chance tout le monde. Et puis on vous rappelle dans moins de 10 minutes pour vous offrir peut-être cet écran plat LED. Oui, pas le CD. LED avec DVD incorporé. Votre mère utilise celui de votre père. Votre tante, celui de votre oncle. Une femme mariée en obtient un. Et une femme divorcée, le père. 63-22, bonne chance. Et les MFAO maintenant, Champagne Shower sur Fun Radio. 8h54 sur Fun Radio, c'était LMFAO à l'instant avec Natalia Kills et Champagne Showers. Dans un petit instant, la réponse à la petite devinette qui colle. Je vous la rebalance encore une dernière fois parce qu'après il faudra pas abuser non plus. Votre mère utilise celui de votre père, votre tante utilise celui de votre oncle. Une femme mariée en obtient un, mais une femme divorcée en perd un. Et en général, c'est l'homme qui le donne à la femme. Bah, c'est quasiment ça tout le temps, hein. Oui, parce que je ne vois pas d'autres cas possibles. Oui, non. Moi non plus, je cherche. J'ai beau chercher, mais... Voilà. Et votre enfant a par contre, en général, celui du père. Mais par contre, là, il peut avoir aussi celui de la mère. Ou avoir comme celui de la mère. Ou les deux. Voilà, c'est ça. On peut avoir un mix des deux, c'est vrai. 63-22, si vous avez la bonne réponse. Donc allez-y, c'est 1€ par message. Et il y a un écran plat LED avec DVD incorporé qui est à gagner. Et à 8h54, Tof, nous allons donc continuer à téléphoner maintenant, là. Ça décuffe tout doucement, là, non ? Pas complètement. Alors, ouais. Faut vraiment que je trouve une solution. Bon, on a déjà appelé d'autres pharmacies tout à l'heure. On a été à Bruxelles, on a été à Liège. Mais oui, mais ils doivent bien avoir une solution pour que ça s'arrête de faire des travaux dans ma tête. Oui, bah parce que ce matin, donc Tof appelle des pharmacies, donc en espérant avoir une solution miracle pour décuver. Mais bon, à Liège, on nous a dit que c'était pas possible, mais bon, on sait jamais. Je ne suis pas saoul. Je vois un peu trouble. Oui. Bon, allez, c'est parti. On y va. On appelle Tof. On va dans quelle ville là maintenant ? Nous allons à Carnion. À Carnion. D'accord. Allez, c'est parti. Puis il y aura les infos aussi de Julie juste après à 9h. Pile. C'est ça. Ou avec un peu d'avance, je me tâte. Ouais. Bah là, ça risque de pas décrocher aussi. Hein, vu comment c'est parti. Bah c'est possible, ça ne décroche pas. Alors il y a trop de travail à la pharmacie. Allez, la pharmacie à Carnion là, il se passe quoi ? Bon, t'as un autre numéro au cas où t'as ? Oui. Ah. J'ai peut-être mal tapé le numéro. Ah, c'est possible aussi que t'aies mal tapé le numéro, effectivement. Parce que là ça me fait penser un peu aux deux premiers appels de ce matin pour la déclaration, pas du tout. Pour le Mickaël paye tes factures.

environ de 4h du matin après 18h de discussion. Ils se retrouveront aujourd'hui vers 13h, toujours pour discuter du fameux dossier BHV et de la loi de financement. Et si les 8 présidents de parti et le formateur se sont quittés sans un commentaire, la porte-parole d'Elio Di Rupo a simplement déclaré que les discussions ont beaucoup avancé. Mais ce week-end, ce sont plutôt ceux qui ne négocient pas qui ont fait parler d'eux. À la note Di Rupo, nous disons aujourd'hui encore plus clairement qu'hier, non. Ce sont les mots de Bart De Wever, président de la NVA, à l'occasion des 10 ans de son parti, alors qu'Olivier Minguin, président du FDF, a rappelé tout le mal qu'il pensait de la note du formateur et des négociations en cours. Et puis l'euro est au plus bas en 10 ans face au Yen, plombé par la crainte d'un défaut de paiement de la Grèce. Enfin en sport, football. Pour la 6e journée du championnat, hier, Malines s'est incliné devant Bruges 1-2, Anderlecht a battu Courtrai 2-0 et Zulte Waregem s'est incliné face à la Gantoise 1-3. 9h02 sur Fun Radio, c'est la météo. Après une matinée grise avec un risque de pluie, le temps devrait devenir sec cet après-midi. Côté thermomètre, il fera assez doux jusqu'à 22 degrés. Demain, le ciel restera couvert et jusqu'à 18 degrés. Très bien, et à 9h02, dans 30 secondes, pour être précis, ce sera, il n'y en a qu'une seule, l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. 9h03 sur Fun Radio, c'est l'info en plus maintenant avec Julie. Eh bien, il y a 3 personnes qui ont eu la très bonne idée de foutre un peu la panique dans un avion qui était au-dessus du ciel, dans le ciel new-yorkais. Parce qu'à chaque fois je dis au-dessus du ciel, mais s'ils sont au-dessus, ça veut dire qu'ils vont vers la lune, donc non. Ouais, dans ça, le ouais. ciel new-yorkais. C'est-à-dire qu'ils se sont enfermés. Disons qu'à la base, ils partaient pas dans le principe de faire peur. Non, voilà, c'est ça. Enfin, je pense. Ils se sont enfermés dans les toilettes d'un avion pour une séance de galipette. Voilà, en fait. C'est ça, dans les toilettes. Et donc, forcément, le pilote a été un petit peu. Enfin, a commencé à paniquer en voyant ces personnes qui avaient des trucs bizarres. Ils rentraient, ils sortaient des toilettes. Mais surtout, ils y allaient à plusieurs, forcément. Ils sortaient, ils rentraient, voilà. Voilà, dans les toilettes. Voilà, exactement. Et donc, le pilote a préféré contacter les services d'urgence, craignant une attaque terroriste. L'US Army a donc envoyé 2 F-16 pour escorter l'avion jusqu'à Détroit. Et tout ça pour que les 3 personnes avouent que c'était juste pour faire des galipettes. Oui, c'est ça. Donc ça fait quand même beaucoup de bordel. Pour pas grand chose. Exactement. Bon, très bien. L'info revient tout à l'heure à 10h. Ce sera encore une fois, une dernière fois pour la journée d'ailleurs. Avec vous avez vu un peu la belle ville terminée à 10h, notre travail. Ouais. Bah, c'est ça, bien sûr. Et ça, c'est quand même beau. Pas du tout, quoi. Ça, c'est la classe. Julie. Non, moi, je continue ma journée après ailleurs. Vous allez dormir à 9h30. Ça, c'est la belle vie, quoi. Ça, c'est la belle vie. On va dormir à 9h30, bah bien sûr. Bah ouais. Regarde-moi ça. Sans déconner. Moi je finis à 18h. Tu finis à quelle heure? Soit 14h, je pense. Ouais, mais je travaille chez moi. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, qu'est-ce que tu crois? Hein, dans mon transat. Ouais. Quand faut dire qu'il fasse beau. C'est la parodie qu'on écoute maintenant, c'est sur Kid V. C'est le morning à 9h04 sur Fun Radio. Bon réveil. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop. Tu sais bien que le matin pour toi c'est pas l'heure. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Oui, j'aimerais trop qu'au réveil tu entends que je suis là. Ouais, mais j'aimerais trop le matin m'éclater dans mon lit. Oui, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas, non, non. Le boss ne veut pas. Je t'emmène. J'aimerais trop le faire, mais le boss être motivé, oh, mais faut pas t'emballer. Mon ami, tu rêves, car ce poste n'est pas pour toi. Bah pas des masses comme d'habitude hein. Bon bonjour tout le monde, si vous vous réveillez, il est 9h08 sur Fun Radio. Il est un peu tard. Ouais il est un peu tard mais bon, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Et attention puisque dans un instant nous allons rembourser vos factures. Vous avez encore 2 minutes pour vous inscrire, 63-22 en débutant le message par facture. Parce que nous n'avons pas eu beaucoup de chance ce matin, à 7h10 ça n'a pas décroché, à 8h10 ça n'a pas décroché non plus. Et donc j'espère qu'à 9h10 maintenant, les gens ne nous aiment plus. Ça va décrocher, bah si j'espère que si. Et avant ça nous avons la réponse à la devinette qui colle. Bonjour, qui est là? Pardon, excuse-moi, c'est Jonathan, 27 ans de Bruxelles. Salut Jonathan de Bruxelles, comment ça va? Salut. Ça va bien? Très bien et vous? Bah oui, tu fais quoi dans la vie Jonathan? Je suis délégué commercial. Délégué commercial. Beaucoup, beaucoup sur la route alors. Donc escroc professionnel en fait. Oui, pas mal, effectivement. Oui. C'est ça, donc voleur quoi. Pardon? Donc voleur. Tu vois, comme tous les bons commerciaux, pardon, je ne vois pas quoi tu parles. Ouais, voleur, bof quoi. Comme les assureurs quoi, tu vois. C'est ça, parce que le bon commercial, c'est celui qui arrive à te vendre un truc complètement inutile dont tu n'avais pas besoin, mais quand il s'en va, t'es content de l'avoir acheté. Ouais, c'est ça. T'es persuadé d'avoir fait une bonne affaire. Voilà, c'est ça. Exactement. Bon, alors Jonathan, t'avais la réponse donc à la devinette qui colle. Alors attention, votre mère utilise celui de votre père, votre tante celui de votre oncle, une femme mariée en obtient un, mais une qui divorce le père. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nom. Eh oui, le nom de famille. Tout simplement. Exactement. C'est une bonne réponse. Et donc, ce n'est pas le rasoir. Hein, donc. Oui, pour celui qui avait proposé. Il faut aller la chercher, celle-là. Hein. Oui, mais je n'ai toujours pas compris d'où venait le rasoir. On cherche encore. Mais on cherche encore, effectivement. Enfin bon, c'est pas grave. Si vous avez une idée, hein, ou si celui qui a eu l'idée peut nous expliquer pourquoi il est arrivé à cette réponse, qu'il n'hésite pas. Peut-être qu'il a tenté le tout pour le tout. Hein. Ah bah peut-être, oui. Bon, eh bien écoute, passe une bonne soirée. Jonathan, une bonne soirée. Le pauvre, il vient de commencer sa journée. Non, mais non, il est bientôt à la fin. Donc ouais, c'est lui, ça, il est déjà ça, à la bonne soirée. Ça. J'ai fait 10 ans de libre antenne, donc oui, j'ai l'habitude de soir encore pour l'instant, mais ça va venir. Ça prouve que ta journée est quasiment finie, donc c'est moi je bosse ça. Plus longtemps mais, que toi. Quoi. Oui, voilà, ça. Je pense que nous avons la conclusion. Mais on à l'histoire. Sait bien que tu es un bourreau de travail, Julie. Oui, bien sûr. Que sans toi, nous ne serions rien. En tout cas, Jonathan, bravo à toi. Tu gagnes l'écran plat LED avec le combi DVD. Salut Jonathan, à bientôt. Passe une bonne journée. Bonne journée. Allez, ciao. Merci. Le moment préféré du boss maintenant, petite dédicace pour Greg, c'est parti. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, c'est à 9h10 que ça se passe. 7h10, 8h10, 9h10. Car oui, sur Fun Radio, nous avons les corones. Nous appelons 3 fois par jour et pas une fois par semaine ou une fois par mois. Même ou une fois peur. Par an. Ou même pas du tout, chez certaines radios, c'est possible aussi. 3 fois par jour, nous tentons d'offrir une facture. Le remboursement intégral d'une facture. Bon, pour l'instant, ça n'a pas bien marché aujourd'hui, il faut avouer, puisque c'était de répondre à chaque notre faute. Non, c'est pas de notre faute. On n'est pas responsable. Bon, alors attention. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, qui êtes-vous? Gerbe Christine. Oui, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Si vous pouviez payer ma facture, ce serait bien. Mais quelle radio t'appelle? Là, c'est plus dur. Faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur leur DS? Putain, c'est pas le bon là. Fun Radio. Il a fallu attendre que ça tourne. C'est ça. Ça n'est pas facile. Hein. Voilà, bah, bien sûr, évidemment. Ouais. Bon, on remonte combien à 50€ pour une facture d'électricité. 50€ pour l'électricité. Et oui, parce que Josiane met ses mains dans la prise. Mais oui, c'est ça, ouais. Bon, Josiane, bah, ça fait plaisir. T'es la première à qui on rembourse une facture ce matin là. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. T'es dans quelle région, Josiane? Enfin, je dis Josiane, mais c'est pas sûr que ça s'appelle Josiane. Ah, je sais pas comment tu t'appelles. Christine. Ah, Christine. Pourquoi il dit Josiane, c'est idiot alors. J'en sais rien, moi. Christine, t'es dans quelle région? C'est le premier prénom qui m'est passé. Villers-le-Bouillet. Villers-le-Bouillet, mais ça m'a l'air très charmant. Mais ça. Il y a l'électricité là-bas? Ah, non, enfin, attends, voyons. Mais t'as vu, c'est pas cher, 50 euros, c'est pas terrible. Non, 50 euros, ça va, ouais. Donc, parce qu'elle est dans la centrale en fait. Ça aide, ouais. Bon, mais bravo à toi, Christine, à bientôt. Merci beaucoup, bonne Salut. Journée, ciao Christine. Et arrête le whisky à 9h. Oui, c'est ça, c'est mauvais. La clope aussi d'ailleurs, cela dit au passage. 9h12 sur Fun Radio, restez bien là dans un instant, c'est Britney Spears qui arrive. Et il y a l'horoscope de Doudou aussi, ça va arriver tout ça dans moins de 3 minutes. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas te sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Et 9h14 sur Fun Radio, soyez les bienvenus si vous arrivez dans un instant, c'est l'horoscope de Doudou. On parlera également de nos amis les Ch'tis à Ibiza et Britney Spears maintenant. C'était Britney Spears sur Fun Radio. Avec I Wanna Go, 9h17. Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Avec, dans un petit instant, Gym Class Heroes. Avec Adam Levine, c'est le chanteur des Maroon 5 qui seront là. Ce sera Stereo Hearts. Et puis là, c'est le moment, c'est l'instant maintenant de faire un tour du côté de l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Salut Doudou. Allez Doudou, on va faire l'horoscope. Oui, si vous voulez, mais je peux aussi faire le poirier ou la table de neuf. Ouais, non, mais l'horoscope, ça ira très bien, vous savez. Moi, ouais, le poirier, c'est bon. Sinon, je peux vous raconter des histoires de Wall aussi. Ah, bonne idée. Vous non, ça va aller. Une non, histoire c'est... de Toto. Ah non, ça non, par contre, non. Ah bon, bon, c'est dommage, parce que j'avais une belle histoire de ouais. Toto. Bon, allez-y alors. Ah, c'est vrai, je peux. Oui, mais vite. Alors c'est Toto qui passe devant la chambre de ses parents et regarde par le trou de la CE. Et vous savez ce qu'il dit? Non, mais allez-y toujours. Bah, il dit qu'on veut me faire voir un psychiatre parce que je suce mon pouce. Oh okay. Là là, merci. Merci, Doudou. Allez, hop. Voilà, voilà. Bon, les béliers. Alors, restez calme, il y a tout. Pardon. Restez ouais, calme, ouais. Il y a des jours comme celui-ci et il faut faire avec. Très bien, les taureaux. Aujourd'hui, il y a de l'amour dans l'air, mais soyez vigilants, les couples qui se forment aujourd'hui n'ont pas beaucoup de chances de durer. C'est et vrai. C'est dommage. Les gémeaux. Même si tout va bien dans votre vie privée, vous avez tout de même négligé votre partenaire. Les cancers. Alors, faites la différence entre vos peurs et la réalité. Les lions. Vous êtes à envier, vous êtes en pleine forme et vous pourriez déplacer des montagnes. Les vierges. Aujourd'hui, vous vous sentez bien, mais vous le remarquez même pas. Les balances. Aujourd'hui, vous avez de bonnes chances en amour, alors profitez-en. Les scorpions. Ne soyez pas si dépensiers, agissez avec modération. Les sagittaires. Dépensez votre toit plein d'énergie au sport, ça augmente votre bien-être. Et en plus, ça fait perdre vos kilos en toit. Les capricornes. Ne vous rendez pas malade à cause du stress au travail. Les verseaux. Votre réussite pourrait vous rendre arrogant. Et pour terminer, les poissons. En ce moment, vous ne connaissez pas le grand amour. Mais attendez encore un peu et vous allez le trouver. Mais oui, voilà, mais oui, exactement. Ne tout perdez à fait. Pas courage. Bon, la bonne nouvelle pour vous, Doudou, c'est que vous êtes en congé aujourd'hui. Enfin, vous avez terminé votre journée, quoi. Bah oui, en même temps, on n'avait pas vraiment commencé. Ouais, c'est pas faux. Et on vous retrouve demain à 7h20 pour le premier horoscope. Oh là là, mon Dieu, c'est tôt. Ouais, je sais, oui. Allez, au revoir, oh Doudou, là à là. Demain. Hein. Oui, oh là mais là. Dites au revoir à la petite aussi, là, sinon elle va aller. Oui, au revoir, au revoir. Au revoir, Doudou. Mais je vais la accompagner. Ah, bon, bah, d'accord, ok, ça me fait plaisir. Je vais me débrouiller, je me doute. Allez, Gym Class Heroes maintenant. C'est le nouveau son de Gym Class Heroes. On va écouter. Avec Adam Levine, c'est Stereo Hearts sur Fun Radio, 9h20. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Non, Julie, je peux pas le remettre une deuxième fois. Non. Ah bah tu peux faire ce que tu veux, je ne pourrais pas en mettre deuxième rien fois. À voir, moi. Oui, bah je sais bien. Nouveau son de Gym Class Heroes à l'instant. Stereo Hearts. Voilà. Love Stereo. Stereo Hearts. Stereo Hearts, mais c'était ça. 9h24, bon réveil tout le monde, là, il va falloir se lever maintenant, allez, hein. Bah oui, quand même, il y a un allez, moment, feignasse. Il est temps. Oh là là, les gens, ils se font agresser avec nous dès le réveil, comme c'est sympathique, quoi. Non, mais levez-vous maintenant, il est l'heure de se lever, il est l'heure de sortir. Tu vois, moi, j'entends quelqu'un comme ça, je me dis, ok, c'est bon. Je rentre dehors, il faut qu'on m'agresse, moi, sinon ça va pas. Bah ouais, mais. Un réveil doux, quoi. Ouais, tu parles, ouais. Bon, donc, bonne nouvelle, restez bien à l'écoute de Fun, puisque tout à l'heure, avec Lucas, vous aurez la chance peut-être de repartir encore pour cette semaine spéciale David Guetta sur Fun, avec le nouvel album de David, Nothing But The Beat. Il y aura également les téléphones Sony Ericsson à vous filer, les smartphones Xperia, des entrées VIP pour la soirée Guetta le 30 septembre à Liège, et une rencontre en tête-à-tête en plus, ça sera à Liège, et pour les plus chanceux, donc un City Trip Live de 5 jours à Ibiza, avec les billets d'avion, les entrées VIP pour le club mythique, c'est le Pacha, et aussi l'hôtel 3 étoiles et même le petit-déj, donc c'est plutôt bon esprit. 63-22 en débutant par Star si vous voulez vous inscrire. Et je vous en ai parlé également, on était sur Ibiza, autant y rester, c'était la semaine dernière de cette grande émission qui devrait bientôt arriver sur Plug RTL, les Ch'tis à Ibiza. Et oui. Ah là, cette grande émission qui aurait pu également s'appeler Bienvenue chez les Gogols. Exactement, et on a encore la preuve ce matin, puisqu'aujourd'hui on va apprendre le français avec les Ch'tis à Ibiza, et vous allez voir que c'est de la haute voltige, c'est du très haut niveau, écoutez bien. On fait passer un par un pour montrer de quoi, qu'est-ce qu'on savait faire. Quel style on avait à peu près. Voilà, donc. Bah, elle a pas trouvé ses mots. De quoi on était capable, c'est trop compliqué. Ouais, de quoi, qu'est-ce qu'on savait faire. Voilà. Mais c'est pas normal. Tout. Alors. Maintenant, voyons la combinaison. La conjugaison, moi aussi je devrais faire un tour à Ibiza. Tiens, oui, ça ferait du bien. Ouais, la conjugaison du verbe suivre. Je pense qu'elle peut être fière qu'il y a un homme qui danse quand même comme les femmes qui doivent danser, que j'y suivais quand même le cours. Et oui, j'ai suivi quand même le cours. Oh, je les aime bien, les Ch'tis à Ibiza, ils sont mais bien. Mais ça débarque quand là sur Plug? Ils ont pas encore dit. Ah, ils ont pas annoncé. On vous viendra au courant, mais rassurez-vous, on a le caviar du caviar avant. Attends, même la diffusion on télé. En exclusivité totale. Ouais. Mais c'est ça. Bon, alors attention, écoutez bien le troisième maintenant. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez bien suivi, comme celui qui l'a dit tout de suite, hein, parce que c'était pas fini. Écoutez bien. Accrochez-vous. Dernière leçon pour ce matin. Allez, il n'y a pas ma place ici. J'étais déçu que je pouvais pas me donner. Qu'est-ce que j'ai dans moi comme je donnerais dans une boîte. Mais c'est quand même très dur. Ok. On va se le remettre parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément tout capté directement. Écoutez bien. Allez, il n'y a pas ma place ici. J'étais déçu que je pouvais pas me donner. Qu'est-ce que j'ai dans moi comme je donnerais dans une boîte. Ouais. Mais au moins on est sûr d'une chose, ce n'est pas le français qu'il a dans lui. Ouais, non, c'est clair. Ça c'est sûr. Voilà, c'est tout pour les cours de français. Demain on va réviser l'anglais avec les Ch'tis. Oh là là. Ah oui, demain. Alors, vous avez. Ah, ils ont du mal ça déjà. Va être bon. Ah mais ils ont déjà du mal à parler en français, alors t'imagines avec l'anglais. Parce que, on ne sait jamais, peut-être que ça peut être, tu vois. Ou mieux. Pas. Hein, ou parce pas, que pour eux le français est trop difficile. Parce que souvenez-vous, ça c'était la semaine dernière quand on les a rencontrés les Ch'tis. Si je serais une fille, entre guillemets, si je serais une fille, j'aurais jamais dit par exemple, vas-y, on va sortir en discothèque. Discothèque, et puis donc ça c'était Vincent, puis il y avait Dena aussi qui avait du mal à parler. J'étais en extase, envie de participer à la fête. Voilà, et aujourd'hui c'était ça. Il n'y a pas ma place ici. J'étais déçu que je pouvais pas me donner. Qu'est-ce que j'ai dans moi comme je donnerais dans une boîte. Voilà, ce n'est pas remonté, hein. Non, c'est vraiment comme ça. Non, je préférais prévenir parce qu'il y en a qui auraient pu dire ouais, vous avez récupéré les sons, vous avez tout remonté, ça donne n'importe quoi. Non, on n'oserait pas. C'est du 100% pur naturel. Nous sommes des journalistes d'investigation, nous vous ramenons les choses telles qu'elles nous ont été rapportées. Exactement, nous sommes de grands journalistes. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler afin de vous suivre également en tant que journaliste à Ibiza pour venir avec vous. Et donc, ce qui est vraiment dommage, c'est que bon, on n'aura que deux billets, donc Julie va devoir faire les infos ici. Ça c'est dégueulasse quoi. Ça c'est dégueulasse. Bah oui, mais tu sais comme t'as vous allez me laisser travail, ici, vous non, allez partir à Ibiza. Non, travail, tu pourras pas prendre congé comme ça du jour au lendemain. C'est ça, c'est vraiment con. Alors que nous, comme on fout rien, tu vois, on a l'occasion d'y aller. Tu sais, nous on n'a rien à faire. Donc tu vas voir, tu vas t'amuser, ça va être top. Tu vas être bien. Enfin, je suis en train de m'enflammer, mais on va rester ici aussi. Hein, faut c'est ça, ouais, bah, je vous le souhaite de tout mon cœur. Bon, 9h28 sur Fun Radio dans un instant. C'est Lucas qui va débarquer avec bien évidemment le self comme chaque matin. Bonjour à tous. Avec le battle, avec tout le bordel. Tout est là. Tout est là. Bah, c'est tout parfait. Alors impeccable. Bon, bah donc le self qui arrive dans un instant. Demain, on remettra le couvert aussi avec les factures. Je vous rappelle aussi que demain, il y a 159 millions. d'euros. À perdre ? Non, à gagner. À gagner, donc à l'euro million. Et si vous voulez jouer avec Fun. Il a perdu au moins tout ça, hein, Mickaël, avec tout ce qu'il a joué. Donc si vous voulez jouer avec Fun également, 63-22, débutez le message par million. On tire au sort 10 personnes et ces 10 personnes joueront avec nous et on partagera avec ces 10 personnes. La dernière fois, on a quand même gagné 183 euros. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. 13 euros chacun. Mais non, 18. Mais qu'est-ce que t'as avec 13 ? Merde, c'est dingue ça quand même. On les 10. C'est ouf. Bon, allez. Parce que t'es un escroc, t'as dû garder 20 euros. C'est pas moi qui gère. Tu penses, il y a de l'argent. C'est pas moi qui gère. Ah non, sinon là, c'est le cœur qui part avec la caisse. À demain tout le monde. Ciao à vous. Bye bye. Il vous manque déjà ? Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.